Hi, this is Lee John of Imagination. Écoutez, 80 à l'heure, RQC, 95 FM. Lee John of Imagination, you're listening to Illusion. Eh bien le bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission 80 à l'heure sur RQC 95 FM comme tous les mardis soirs de 20h à 22h30 avec une équipe au complet ce soir. Alors je sais même pas par lequel commencer parce qu'effectivement ça fait tellement longtemps qu'on l'avait pas vu dans l'émission. Allez, on va commencer par lui quand même. Canon, il est encore vivant, il est là, il est avec nous, Canon. Bonsoir ouais la France, bonsoir ouais la Belgique, bonsoir le monde. On l'appelle l'Arlésienne en fait. C'est vrai, ouais. Très bien. Je peux pas être partout. Non, c'est vrai. Je peux pas être partout. Mais ça fait longtemps qu'on t'a pas vu en fait. Bah, il y a 15 jours, juste avant Miss Salut. Hein. Ouais, mais on te voit comme ça par épisode, machin. Franchement, la semaine dernière, il nous a manqué. Ah ouais, quand même. Ouais, hein. Mais c'est... moi, vous m'avez manqué beaucoup ouais à plusieurs raisons avec Miss Salut. Mais oui, mais c'est oui, le comité. Ben ouais, bien, alors, le mec, il est l'initiateur de la venue donc, des candidates à l'élection de Miss Salut et il vient pas. Non, il avait un empêchement quand même à expliquer. Ah oui, oui, non, mais c'est professionnel, oui. J'étais au Singing Studio de Lille où je travaille comme animateur et il y avait voilà, une soirée professionnelle. Donc il y a des entreprises qui payent, voilà. Ils ont besoin d'un animateur, donc j'ai animé l'anniversaire de la fête de l'Europe. Voilà, avec 180 personnes. La fête de l'Europe. Je savais même pas que ça existait, moi, la fête de l'Europe. L'Europe a une fête, un anniversaire, et c'était la fête de l'Europe, les 32 ans de l'Europe. Non, c'est pas une blague. Non, mais je sais. Donc j'étais avec des Espagnols, des Italiens, il y a eu même de l'accordéon, mais c'est pas dans le genre péjoratif. Des gens qui ont joué de l'accordéon, ils ont chanté plusieurs chansons en coréen. Alors, c'est pas l'Europe, mais en coréen. Avec un accordéon, ça doit être bien. Non, mais ils ont fait des trucs super, et puis on a chanté en karaoké, moi j'ai fait l'animation, voilà. Donc je suis payé pour ça. Et je me suis éclaté, et j'étais désespéré de pas être mis à l'U1, puisque c'est pas une question d'initiateur, mais j'en étais le photographe aussi officiel, je peux le dire. Et donc je vais aller voir là la Miss très prochainement pour aller faire les shootings. Pour savoir, savoir qui c'est. Non, je sais. Alors on sait, mais d'ailleurs, je vais féliciter. Puisque Onissa a été notre. Elle a été Sherlock, elle sait pas qui c'est. si. Onissa a été dépêchée justement pour aller voir donc l'élection de Miss Salut 1, tu nous en parleras évidemment. Oui, je suis pas resté jusqu'à la fin, tu sais. Bonsoir Onissa. Bonsoir Onissa. Comment ça va? Super. Quand je suis avec vous, j'adore. Elle est toujours aussi jolie quand même. Ouais, c'est vrai. Mais ils peuvent pas le voir, attends, les auditeurs. Je vais mettre mes lunettes quand même parce que. Bah oui, elle est toujours aussi jolie. Hein. Ils entendent juste mon rire de. Ouais, c'est pas mal. Ah, ils entendent mon rire de quoi Pétasse. Ah oui, tiens, dis donc, on a vu des messages qui sont passés. Super où vous êtes, c'est pas Pétasse que t'as dit, c'était quoi? Ah non, mais c'était dans le forum privé. Une chamelle. Ah oui, une chamelle. Qui voit à une oasis. Voilà, là. On aurait dit une chamelle qui voyait la première. Ouais, j'ai vu ça, c'est ça, elle est excellente. Mais oui, mais c'est ça. Mais quand elle braie dans un micro, c'est franchement. Quand elle parle, c'est orgasmique. Quand elle brille, t'as envie de t'en mettre une. Ouais, bah, tu t'en plains pas toujours. Ça fait penser à Banzai. Non, c'est Maurice qui fait le con, là. Quoi, c'est... Marcel, non, c'est Marcel. Le chameau, c'est Blatter. C'est Marcel, c'est pas Maurice. Bon, redevenons sérieux. On va revenir sur Canon, parce que Canon nous a préparé donc une petite chronique. Absolument. Alors, sur. C'est la traduction en fait d'un texte, hein, d'une chanson anglaise. Je vais vous demander d'essayer de retrouver, donc c'est une traduction un peu chialée. Voilà, ouais, c'est sympa. J'essaye, je l'avais fait l'année dernière, mais de trouver des textes un peu savoureux, parce qu'il y a des milliers de chansons un peu, comment dire poliment, à la radio, à la con. Et il y a des textes qui sont traduits, très très bien écrits, qui racontent une vraie histoire, et on se dit, non, c'est cette chanson-là qu'on connaît, qui est en général... Si c'est The Zai Zai, on connaît. Hein. C'est The Zai Zai. De Pierre Pirette. J'ai à l'informatique qui nous écrit encore cette semaine et qui nous note donc sur la page Facebook de l'émission aïe aïe aïe le rire d'Onissa hashtag Chamel. Ouais. Ça y est, allez hop. Et voilà. Un conseil, Sherlock, vu ce qui se passe sur le net, vire le commentaire, ça doit être. D'ailleurs, moi j'aimerais bien, puisqu'on en parle, j'aimerais bien qu'Alain vienne nous voir, tiens. Parce oui, que bien on sûr. On ne connaît ouais pas, et puis qu'il vienne nous voir dans l'émission, et qu'on puisse venir aussi dans son émission, j'aimerais beaucoup. Parce que je crois que c'est un rapport avec Léon, c'est ça hein. Ouais, c'est le samedi matin. Ouais. On t'a pas dit, Alain est une intelligence artificielle. Enfin, non, il est artificiel. On va le chauffer. On va chauffer là toute l'émission. Ça me plairait bien de faire sa connaissance, parce qu'effectivement, on ne se connaît pas forcément, et c'est bien dommage. Bah, moi, j'ai vu une photo de lui, et non, j'ai pas envie de le rencontrer. Tu vas voir qu'il va venir, si. Non, franchement, Canon, franchement, là, t'es vache. C'est vrai. C'est pas parce qu'il n'est pas beau qu'il ne fait pas des belles émissions. Non, c'est vrai. Non, mais il est vraiment pas beau. On le connaît même pas encore. En fait, il s'est présenté plusieurs fois pour faire des émissions télé, et il a fini, il fait de la radio. Ouais, voilà, absolument. Alors, si nous écoutez, évidemment, c'est des conneries. On déconne. Comme nous tous. Bon, alors, donc, une chronique super. Onissa, pareil. Ah, moi je reste dans mes années d'enfance. Oui, tu vas nous parler de, donc d'un personnage des années 80 qui nous a tous marqué, évidemment. Qui nous a tous marqué, évidemment. Et donc, bah, oui, ça sera... j'ai appris plein de trucs, j'étais étonné. C'est vrai que c'était chinois déjà. Non, c'est pas ça que je parle. Ah, d'accord. Mais on en parlera tantôt. C'est pas ça que je parle. Bon, ma petite chamelle. Flipcat est avec nous. Oui, bonsoir. Bonsoir, Flipcat. Bonsoir, Flipcat. Bonsoir. Notre Gremlins à nous. Eh ouais. Et ouais. Alors, et toi, t'as préparé quoi? Un nouveau tatouage. Ah, non, je suis venu de... Comme d'habitude. Et je rêve d'un nouveau tatouage. Un nouveau tatouage, ça se voit. Ça se voit. Mais t'as un nouveau tatouage. Ça, bah oui. J'ai pas rêvé quand même. Mais oui, t'as un nouveau tatouage. Tout le reste. Montre-nous. Et tout le reste. T'as un nouveau tatouage. Tout le reste est flasque. Oh, dis donc. Tout le reste qui est flasque et décoloré, il y a que celui-là qui est musclé. Ah ouais, non. Alors c'est quoi? Ça. Pourquoi tu t'es tatoué un zizi sur l'avant-bras? Bah comme ça, il en a un. T'as mis. C'est les têtes de mort. Mais pourquoi t'as mis Harry, Sherlock, Harry, Sherlock, Harry, Sherlock? Et tu t'es fait tatouer des têtes de mort en fait. C'est un bracelet en tête de mort. Par contre, c'est bien fait. Autour du poignet. C'est propre. Les flammes aussi. C'est beau. Moi, j'aime bien. Je savais pas que Malabar faisait encore des... Mais ça, c'est les méga Malabar. Mais alors maintenant, il faut plus mouiller son bras, tu vois, ça se fait directement. Ah ouais, okay. Le Flipcat, avec ses blagues, il met le mal au boulot. Alors, Flipcat, bah écoute, on bah, voilà, c'est bien, c'est très bien. Voilà. Et on accueille évidemment Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On est obligé. Ça commence bien. Alors évidemment, deux chroniques, une qu'on attend... tout spécialement, c'est Rétro Ciné 80. Oui, à 21h. Ouais. Où je reviendrai donc sur un film des années 80 que j'ai regardé cette semaine. Ouais. Qui date de 1985. Oh bien. Ah bien. T'as vu ça? Et il est sorti un mercredi. Ah non, ça c'est à moi. Ah bah ouais, je sais. Et à 22h évidemment. Et à 22h, les sorties ciné de la semaine. Eh bah écoute, ça marche. Alors nous, ce soir, on va parler de plein de bonnes choses. Attends, bonjour Harry, bonsoir Harry. Bonsoir. On t'a pas dit bonsoir. Mais pourquoi faire, là? T'as préparé une chronique? Oui. Ah bah oui, moi j'aurai une chronique. C'est la chronique Kermesse de Saint-Jo, puisque on a pu faire la Kermesse de Saint-Jo donc, ce week-end. Donc un bel événement. Oui, ça va. Et donc, je vous en parlerai, bien évidemment. Tu nous parleras de Miss Alua, bien évidemment. Oui. Tu nous feras un retour, puisque tu as assisté. Oui, ça, oui. Et on parlera, évidemment, donc, de la lauréate qui a gagné le titre donc, de Miss Alua, qui est quand même un titre honorable, puisque c'est officiel, quoi. C'est, oui, voilà, c'est donc c'est officiel, donc ça fait partie. Ah, c'est officiel. De... Ah, ouais, et c'est du comité Miss France. Voilà, absolument. Donc, elle est automatiquement sélectionnée, on en parlera. Voilà, et ensuite, on vous parlera aussi également d'un défilé qui aura lieu ce dimanche à Waterloo. Et pour l'occasion, on aura l'occasion, donc. Pour l'occasion, on aura l'occasion. Donc, on recevra donc Séverine, donc de chez Baye Séverine, qui nous parlera donc de ce défilé. Elle viendra vers 21h30 nous parler de cet événement qui aura lieu donc à la salle Roger Salengro de Waterloo. Et ensuite, on vous parlera aussi de la fête de la musique. Où il va y avoir une artiste que j'adore évidemment, Sarah Le Thor, qui va se produire donc le samedi 20 mai. Donc on sait pas encore où, mais on va voir l'info, mais en tout cas elle va se produire dans le cadre de la fête de la musique au mois de mai. Un peu curieux, mais c'est comme ça. Bah oui. C'est fête de la musique. Ah ouais, parce que la fête de la musique, c'est au mois de juin. Bah, t'es un juin. Bah, ouais, mais oui, c'est 20 mai. C'est pas fête, F-A-I, parce qu'il y a fête de la musique. Ouais, c'est pas une blague. Ah, oui, c'est ça. En fait, il faut que vous fassiez fête de la musique, fête et après, il y a la fête de la musique au 21 juin. Voilà, non, c'est vrai. Oui, je te vois. C'est le moment. Comment regarder que. Des grands. C'est ça. Je fais l'oasis. Et donc, on va faire une petite coupure musicale. Oui. Alors, bah, avec ce beau temps, ça me donne envie d'aller à la plage avec Riguera et Bamos a la Playa. Mon Dieu. Ah ouais. Et ensuite on reviendra avec à la Playa. Et ensuite on reviendra avec Falco et Der Kommissar. Ah, alles klar, Der Kommissar. Alles klar, Kommissar. Alles klar. Alors tu veux quoi, la version anglaise ou la version allemande? Version anglaise de quoi? De Der Kommissar. Il y a eu des paroles aussi en anglais. Il y a une partie allemande et une The partie chantant en anglais. Ah, c'est terrible en anglais. Tiens, si. En anglais, ça peut être sympa, ouais. Elle est connue, elle est sympa en plus. En anglais ? Non, oui, vraiment, je la connais, ouais. En allemand, mais en anglais, non ? Non, si, elle est sympa. Allez, bah c'est parti, on s'écoute ça tout de suite. A tout de suite. Vamos a la playa, oh, oh, oh, oh. principio. No más 13 segundos. Si no agua fluorescente. Vamos a la playa. The more you live, the faster you will Salut, c'est Partenaire. Salut, c'est Particulier. Et on est avec vous sur RQC. Dans l'émission 80 à l'heure. Je suis un être à la recherche. Qu'est-ce qu'on a pu danser là-dessus? Oui, bah oui, évidemment, Partenaire Particulier. Ça a été, bah, tu sais, d'ailleurs, c'est une belle rencontre d'ailleurs. Oui. Aussi également. Et en parlant de belles rencontres, Onissa, oui. Tu vas nous parler d'un. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, je suis souriante, je vais pas faire la gueule non plus. Non, non, mais d'accord. Ok. Putain, comment elle te répond? Enfin, tu es souriante. Elle passe du sourire à la limite de l'art. Moi, je suis souriante, qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais chier, toi? Ouais, ah, vas-y. Qu'est-ce que t'as? Alors, tu vas nous parler d'un sujet, enfin, tu vas nous parler d'un personnage des années 80. Ah, vas-y. J'adore. Ah, vas-y. Toutes les femmes, elles adorent. Ah, ouais, peut-être. Oui. Tu vas nous parler de Candy. Ah, oui. Au pays de Candy. Ah, moi j'ai vu Candy ce week-end. Hein? Ouais. Ah, mais alors, pas la Candy que t'imagines. Ah, ouais, non, mais j'imagine. Je te montre une. Sucre d'orge. Ouais, ben... On l'appelle Candy, ouais. Sucre d'orge. Justement, oui. Elle habite pas loin en plus. Elle habite Ouais. Juste avant, on dit ça, il y a l'informatique qui nous pose une petite énigme. Oui. Il nous dit: bon, puisque vous dénoncez les têtes patibulaires, j'ai une énigme pour vous. Dans quelle chanson des années 80 trouve-t-on le nom patibulaire? Mais ça me dit quelque chose. Picsou. Et indice 1, on en a parlé la semaine dernière. Chagrin d'amour. Eh oui. Bah oui, chagrin d'amour. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est dans chagrin d'amour, cherche pas. Donc Alain, tu vois une collège, c'est raté, c'est dans le groupe chagrin d'amour, il dit patibulaire. Allez, continue tes virus. Bravo, c'est ça. Mais oui, mais bien sûr que c'est ça, évidemment. Eh oui, raté, il fallait pas. Je connaissais, évidemment. Donc Onissa, Candy. Oui. Tape le carton sur les. C'est ça. Mais oui, oui. Bah, parle-nous de Candy. Bah, la chanson. Je peux pas vous parler que de. On pourra chanter après. Ouais, chante. Ouais. Ah non, chantez maintenant. Chante la chanson de Candy. C'est quoi un moment? De non. Candy. Ah oui, oui. Ouais. Allez, ouais. Comme dans. Dans tous les pays. On entend des chants en mûrie. Il y a des méchants et des gentils. Et dans les moments difficiles, avoir des amis, c'est bien utile. Espièglerie, un peu d'amour, espièglerie, c'est la vie de Candy. Et maintenant, si on dit ça, mais elle rêve et elle imagine, tous les soirs en s'en dormant, que le petit Harry des collines viendra la prendre doucement. Non, il est tôt, là. Tu arrêtes. Pour cacher sa grossesse, elle cherche. Canon, coupe son micro. Tu coupes le micro de Canon. Je vais dire. Tu sors. Un peu d'astuce. Allez, Onissa. À toi. C'est la vie de Candy. Donc, en fait, c'est tiré d'un manga. Ça, je savais pas. Bah oui, oui. Bah ouais, c'est curieux. Ouais, c'est un manga. Ouais. Bah oui. Et alors, il y a eu 9 volumes. C'est quoi, manga? Ouais. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un manga? Non. Voilà. Alors, un manga, à la base, ça veut. C'est une fresque japonaise. C'est un dessin. Japonais, c'est ça? Oui, c'est japonais. C'est japonais. C'est japonais. Mais ça s'appelle comment au Japon, Candy? Candia. Candy, ça je sais pas. Par contre, pourquoi elle s'appelle Candy Neige? Moi je savais pas. Ah, son nom c'est parce Neige. Que... Ouais, c'est Candy Neige. Attends, si tu sais la réponse, tu la donnes pas. On fait comme. Pourquoi elle s'appelle? Bah, parce qu'on l'a découvert dans la neige, non? J'imagine. Tu vois. Ouais, c'est ça. Elle a été trouvée avec Annie, sa sœur adoptive, oui. Ouais, dans la neige, d'accord. Un soir d'hiver, et comme elle était blonde, ils l'ont appelée Candy Neige, et sa sœur Annie, la brune, alors. Qu'est-ce que c'était beau comme ça. Sinon, c'est. Oui, mais par contre, moi j'ai appris plein de choses. C'est que moi je regardais Candy tous les mercredis après-midi, dans le club de Roté. Et en fait, j'ai aucun souvenir. Qu'il y a les épisodes où elle grandit et qu'elle fait des études. D'abord, elle va dans une famille. Non, mais je te promets. Hein. Je me rappelle pas. Au début, elle est toute petite. Elle devient infirmière. Ouais, elle fait ses études après. Ouais. Attends, c'est moi qui parle. D'accord. D'abord, elle est à l'orphelinat. Sa sœur est adoptée, Annie. Hmm. Donc, elle rentre dans une famille pour être fille. Pas fille au père, plutôt. Une bonne, quoi, en fait. Et Ah oui, je me rappelle. C'est là, à ce moment-là, quand elle est malheureuse, parce que sa sœur Annie, la famille par laquelle elle a été adoptée, Elle doit lui envoyer une lettre comme quoi elles ne se connaissent plus, elles font comme si elles... Parce que les parents de d'Annie adoptive ne voulaient pas que les gens sachent qu'ils avaient adopté un enfant. Et c'est là qu'elle rencontre le prince des collines la première fois. Annie était bonne, hein. Et. Oui. Non, non. J'ai entendu dire. Non, non. C'était une brune, je crois. C'était une brune. Je me souviens, c'est une brune. Elle, elle était bonne. Non, stop. Non. Elle n'était pas bonne, c'est Candy qui était bonne. Non, mais arrêtez, oh, oh, oh, oh, vous allez où là, oh. Non, non, elle était bonne. Si, si, c'est, oui, c'était son motif. Ah, elle était bonne. Ouais, ah, ouais. Moi, oui, évidemment. Elle était bonne pendant 3 ans. J'ai essayé de redresser comme j'ai pu, n'est-ce pas? N'importe quoi. Et après, en fait, elle. Elle part dans les familles d'accueil. Elle revient de. En Amérique, en fait, par clandestinement, et elle reprend des études d'infirmière. Oui, et je ne me rappelle pas du tout. Ah, si, ben, si, ouais, mais on la voit même avec son. Oui, ouais. Et moi, j'ai aucun. Écoute, quand j'ai fait. Ça... Si, si, elle devient infirmière dans l'armée. Oui, ouais, c'est ça. Absolument. Parce qu'en fait, on part de la Belle Époque et on arrive dans la Première Guerre mondiale, donc là, elle a tout le rôle. Mais je n'avais aucun souvenir. Pourtant, j'ai regardé Candy pendant des années. Moi, j'ai l'épisode, ben, Fleur Bleue, où elle est dans la colline, mm-hmm. elle cherche son prince, qu'elle retrouve à la fin, en fait. Qui est l'oncle de. Je ne sais plus comment. Mais elle est plus bonne à la fin. Non, il meurt pas, le prince des collines. Si, il meurt. Dans non, un accident... non. Non, non, non, c'est pas lui qui meurt dans non, un accident. Non, c'est un truc de cheval. De cheval, mais ça, oh. C'est Terry. C'est terrible. C'est terrible, on dit. Quand ça, oh, quand mais tais-toi, ça. Non, mais... Tu vas faire ça maintenant. Mais qu'on meurt d'un accident de cheval, on dit c'est terrible. On dit pas c'est Terry. Ça, ça m'attend. C'est comme ces japonais, ça part à volo là, cette émission, je sais pas ce qui se passe là, mais non, mais c'est à cause de... bah, c'est encore oui. une fois. Donc, Candy en japonais, ça se dit Candy Candy. Ouais, c'est d'accord. ça. Ah, Candy, d'accord. Candy. Quand est-ce qu'elle a arrêté d'être bonne? Quand elle t'a connu. Et franchement, j'avais aucun souvenir de l'épisode où quand elle est, ah, pas du tout. Elle est grande, ah, oui. qu'elle est infirmière, qu'on arrive dans la guerre, et si elle a pas, aucun souvenir. Sans déconner, tu te souviens plus, il y a un épisode qui est, elle arrive sur le champ de bataille, et vous savez, style manga, quand tu vois les oui, larmes voilà. commencent à couler, elle se rend compte, en fait, de tous les, bah, les, de les soldats, l'horreur voilà. de la guerre, et puis, en fait, elle est en train de porter des brancards, alors derrière, on voit les explosions, les trucs, et c'est là qu'il y a un tournant dans l'histoire de Candy, enfin, je veux dire, faut le revoir avec, où elle devient femme. Oui, aussi. Voilà. Dans Chant des conneries, mais je veux dire, c'était la gamine, après c'était Fleur Bleue, et en fait elle devient femme, et c'est vrai qu'elle se transforme un peu en. Et après ça a disparu parce qu'ils ont raté le coche. C'est Candy, c'était Candy aussi, et ils ont voulu retracer en fait son histoire. Je te pique pas ta chronique, au moins. Non, mais le bon, but c'est que tu m'interrompes. Non, je te taquine. Non, non, non, je te laisse parler parce que franchement, moi j'ai été. Mais moi c'est pareil en fait. J'avoue que. Mais je crois que le côté femme, on s'en foutait un peu quand on était gamin. Bah oui, mais ce qui nous intéressait c'était le côté gamine. Tu vois, après dès qu'elle devient femme, peut-être que ça nous intéressait non, pas voilà. quand on était bah, jeune. Enfin, on va revenir à ce que, allez, est-ce que ce qu'il disait. Le chameau à côté. Ouais, le solide à côté. C'est qu'en fait, tu dis que oui, ils ont raté le coche parce qu'ils auraient dû continuer. Ben non, parce que regarde-moi, en tant qu'enfant, j'ai gardé que l'épisode qui m'intéressait. C'est ça. Où, je pense. Et c'était fait pour. Ah oui, oui, non mais. Donc plus tard, à la rigueur, on s'en fichait parce qu'ils ont fait. Ils ont refait des épisodes, mais ceux-là, on les a pas. Bon, enfin, moi, je les ai jamais revus. Tu te calmes. Non, c'est ma. Non, tu as raison, mais je pense que c'est parce que Candy, c'est quoi, 7-8 ans sur l'amplitude. Oui, c'est ça. 7-8 ans, donc les gens évoluent, quoi. Je veux dire. Bien sûr. Moi, j'ai eu des photos d'elle quand elle était bonne, quand j'étais adolescent. Non, mais c'est vrai. Et après, elle a grandi. Et, Moi, je pense que, allez, dans l'émission, quand tu regardais le Club Dorothée, c'était une certaine période de ta vie et tu gardes ces souvenirs-là. T'as pas envie de extrapoler des années plus tard quand elle est infirmière, qu'elle voit les horreurs de la guerre. Ça nous intéresse pas. Si, c'était bien. Moi, j'ai gardé que. Et je te promets, je me souvenais pas du tout des épisodes où elle devient femme et qu'elle devient infirmière et tout ça. Et t'as des nouvelles depuis? Qu'est-ce qu'elle devient maintenant? Elle est heureuse, elle te voit plus. Oui, oui, non, mais je sais bien, mais de toute façon. Et elle était collante, parce que depuis qu'elle a ouvert son entreprise, elle s'est reconvertie. Oui, vas-y, en quoi? Attends, je lâche le. Bah, si, vous n'êtes pas sympa avec mon gars. Bah, non, mais je faisais quelque chose. Et toi, je peux même pas te saquer sur ta chronique, t'en as pas. Bah, non, voilà, mais. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Non, mais sérieux, elle a repris une entreprise, elle fait du sucandi maintenant. Oui, d'accord. Il y a le candy raton aussi, c'est migrant. Et donc. Bah, maintenant, taisez-vous 2 minutes. Mais n'empêche que, allez, en préparant cette chronique, j'ai découvert plein de choses. Mais je reste quand même bloquée sur l'épisode quand même le plus beau où ça faisait partie de notre âge, quoi. Ouais. Par contre, qu'est-ce qu'elle pleure quand l'autre il se fait tuer, son prince des collines? Ah enfin, attends, pas celui-là, c'est mais. C'est son premier amour, mais c'est énorme. Enfin, moi je parle en tant que. Je sais pas, ton. Ah, mais petit. Ton premier amour, c'était énorme. Je m'en souviens encore. Ah, c'est vrai. Bah oui, il faisait 1m95. Tu m'étonnes que je m'en souviens. Façon zizi, hein. La taille. Donc, c'est. Donc, tu en as fini avec Candy alors? Oui, j'adorais, mais vous m'avez. pourri ma chronique. Absolument. C'est pas vrai. Pas moi. Ah non. Pas moi. Moi non plus. Flip 4, il n'arrête pas. Non, mais je lui devais quelque chose déjà. Bon. Oh, mais t'es rancunier, toi. Ah ouais. En tout cas, merci pour cette. Mais j'ai bien aimé ta chronique. Oui. N'empêche que, franchement, je suis contente parce que j'ai appris plein de choses et ça me frustre que je me souviens pas du tout de. T'inquiète pas, tu continueras à apprendre. Et bah oui, mais non, mais arrête de me toucher comme ça, ça va finir, mal finir. D'ailleurs, on sait même pas comment ça finit, Candy. Hein. Le dernier épisode, c'est cool. Si, elle retrouve en fait son prince des collines, qui est l'oncle de. Je ne sais plus, je l'ai quelque part. Ouais. Et elle, elle retrouve enfin son premier amour, le prince des collines, qui est l'oncle de D'accord. quelqu'un qu'elle connaissait. Et bah écoute, en tout cas, merci pour mm-hmm. cette belle chronique. Merci, Kamel. Et. Kamel. Vous êtes. Oh, Kamel. Tu sais ici qui aime bien Chamel bien. Ouais, bien. Et on va continuer en musique évidemment, Sherlock. Oui, avec ton cru puisque c'est toi qui Candy. Choisis, hein, c'est lui. Non, non, pas de Candy. Pas, mais. Mais alors avec, je sais pas parce que j'étais en train de regarder les trucs de Candy et tout ça. Ouais, excuse-moi, ils ont fait au Zénith à Lille un truc des rétrospectifs des années 80. Pendant 2 heures, tu n'as que les chansons de dessins animés. Ah, t'as 3000 personnes debout en train de faire la fête. Ce que je veux dire, c'est les fédérateurs en fait. Oui, tu mets Capitaine Flamme. Ah ouais. Ça commence pas. Tout le monde faisait. Dans un pays de tous les temps. Ah, ça le fait, pom, pom, pom. Ah, c'était et l'ambiance. Tous les gens étaient debout, l'ambiance de fou. Il y a des gens de Star Wars. Il y a eu un mélange de tous c'était les quoi, genres. Ça c'était une soirée des années 80, spéciale dessin animé. Ouais. Alors t'avais Capitaine Flamme, Alba, Thor, tout le monde. Ouais, si ça me parle. Ouais, ça doit être ça. Et franchement, j'ai loupé celle-là. Je la ferai parce que j'ai eu des échos partout et un pote m'avait envoyé en direct et j'étais dégoûté de pas y être parce que c'est un truc de malade mentaux. Un peu comme la nuit de la pub aussi. Il y avait oui, ça aussi. Oui, oui. Mais c'était ça peut être sympa. Ah non, c'est vrai. Ils le font plus, celle-là. Non, ils le font plus, je crois. Ah, je crois qu'il y avait. Pourtant, j'avais eu l'occasion d'y assister au Colisée à Roubaix. Oui. Bah, c'est que des pubs, quoi. Pendant 3-4 heures, oui. Bon, il arrive un moment. Ah, c'est que. Oh, non. Ah, bah, c'est des pubs. C'est des pubs connues des années 80. Et, voilà. Et il y avait Casimir, je me rappelle. J'ai eu l'occasion de voir Casimir. Oui, c'est vrai, j'étais là. Tu te souviens de sa recette de ce qui m'arrange? Bien sûr, le gloubi boulga. Et on le fait évidemment. Comment? Et d'ailleurs, on doit le faire. Oui, ouais. Ah on doit faire la recette. Manger, d'ailleurs. Et on va la manger. Ouais, tu on dois le manger. On le fera. C'est vrai qu'on doit mais oui, faire mais et faisons-le en direct. Mais moi, sûr. J'attends que ça. Eh ben, on va le faire. Chocolat, moutarde, mayonnaise, saucisse, truc. On met la choucroute et tout ça. On va s'éclater. Non, il y a de la confiture de fraise. Mais moi, je mets de la confiture de fraise sur ma choucroute. Eh ben écoute, tu vas essayer avec ta choucroute. Allez, on va le faire. Je te demande, moi, je m'en fous. Un happening, voilà, on va se faire un. On peut se mettre des limaces dedans. Ouais. On va préparer ça dans les semaines à venir. Bah moi, je vous prépare et vous le mangez. Bah vas-y. Et que de la gueule. Chiche. Bah, parce que tu sais, je connais ici, on va faire. Ouais. Bah fais-nous un Gloubi Boulga. On le fera quand Alain viendra dans notre émission. Que de la gueule. On va le faire. Oui, bah oui, ce serait bien ça. Et bah ouais, comme ça on goûtera ensemble le Gloubi Boulga. Mais on le filmera, enfin, on vous a préparé la recette du Gloubi Boulga. Ah bah, et bah bien sûr, et les animateurs, et puis les invités, et on se le mangera. C'est vrai. Et comme ça, je couperai au moment où tout le monde se met à dégueuler. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça doit pas être mauvais. Bah, ça doit pas être mauvais. Ah non, bah, de la confiture de fraises avec du chocolat, de la saucisse de Strasbourg et de la moutarde. Non, c'est pas la saucisse de Strasbourg. Hein. Non. C'est la saucisse de Toulouse crue. Ah merde, hein. Ça aurait pu être de la Strasbourg. Ah non, merci. Strasbourg, ça passe mieux. Ce saucisse de Toulouse crue. Non, mais comment ça nous parler de saucisse, il passe le mieux. On aime bien manger la viande crue. Non. Et bah, on verra ça dans les semaines à venir. Sherlock, t'es prêt pour la musique? Oui. Alors avec Queen, I Want to Break Free. Oh yeah. Et ensuite on reviendra avec Spania et Easy Lady. Easy, easy, easy, easy lady. Je préfère Spania. Ouais, je préfère Spania aussi. C'est vrai. Mais moi aussi. I love l'Espagne. Et c'est parti. We'll be right back.

Salut, c'est Sarah Dottor et vous écoutez I Love So Great sur RQC 95 FM. Love So Great de Sarah Le Thor. Alors Sarah Le Thor qui a donc ça c'est son album précédent, donc elle a un nouvel album avec d'autres titres qu'on n'a pas encore d'ailleurs. Il faudrait qu'on retrouve ces titres. Il y en avait un qu'on avait, mais bah, je sais pas où il est passé, mais on avait son dernier titre qu'on vous passera peut-être la prochaine fois. Mais pourquoi si, j'ai ça, attends, j'ai celui-ci. Ah, il est magnifique, j'adore. No Limit. Ah oui, vous vous rappelez de ça? Côté Amy Winehouse. Ouais. Ouais. Reese aussi. Wiz. La femme chocolat. Olivia Ruiz. Olivia Ruiz. D'accord. Je crois bien comme Sarah que Olivia Ruiz. La voix est plus Winehouse. Mais elle a un côté très. Alors Sarah, c'est quand même une belle rencontre. On l'a rencontrée, je crois, dans les débuts de l'émission. Il y a une petite dizaine d'années, c'était une des premières invitées qui était venue dans l'émission et nous a fait un live, mais alors terrible, avec son album A Love So Great. Vous avez entendu le titre tout à l'heure et donc pourquoi on vous passe cette musique là, c'est parce qu'en fait elle se produira donc à Boucron, donc ce samedi à 21h, donc c'est à l'Institut Montfort. Alors je connais pas, apparemment si, c'est si, un institut. Si, c'est un institut qui s'occupe beaucoup des personnes handicapées. Voilà. C'est très dynamique. Oui, c'est vraiment dynamique. Donc dans le cadre donc de, alors c'est Fête de la musique, Fête comme FITES. Voilà. FITES. Voilà. Voilà, donc c'est samedi ici. Il y a tout un programme. Oui, balade à moto pour les enfants et c'est super bien organisé. Apparemment, ouais. Et déjà, s'ils font venir Sarah, c'est que vraiment c'est. C'est un institut qui bouge énormément. Hein. Ah, carrément. Et donc, Sarah, on l'a eu au téléphone tout à l'heure. Et on se fera un plaisir d'aller la voir et même la voir en interview. Évidemment. Sarah, ça me fera des. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais c'est un joli brin de fille. Perso, non. Enfin, pas en direct. Oui, mais, déjà, c'est un joli brin de fille. Et puis, elle a une voix mais exceptionnelle. Elle tourne un peu partout. En Europe, en Italie. On peut la voir, si vous tapez sur Internet des vidéos, on peut la voir avec un public énorme. Je sais plus, à un moment elle joue devant 7 ou 8 000 personnes, enfin c'est un truc de fou quoi. Et elle a super progressé et donc Sarah Le Thor, donc on aura le plaisir de la voir donc à Moucron samedi-ci, donc à l'Institut Montfort à partir de 21h, et en plus je pense que c'est gratuit. C'est gratuit, donc y a, alors c'est pas compliqué hein, pour y aller. Quand vous venez de Waterloo, que vous êtes à la Broche de Fer, vous tournez à droite et c'est au bout de la rue. Ouais, voilà, de toute façon c'est bien indiqué. Hein. Je suis étonné, mais ouais, effectivement. Donc voilà, donc Sarah Le Thor, ne ratez pas donc ce rendez-vous. Il y avait un autre rendez-vous à ne pas rater ce week-end. Miss Aluin. Oui. Alors je sais que Canon y était, je sais qu'Onissa y était aussi également. Oui, mais bon, moi j'ai su aller une partie de la soirée parce qu'après j'avais un autre truc de prévu. Mm-hmm. Mais franchement, très très sympathique et. Allez, bonne organisation, vraiment très agréable. Oui, c'était sympa, tu m'avais dit... La lauréate, évidemment. Alors, qui? Alors, la Miss Aluin. Vas-y, je te laisse... La Miss Aluin, en fait, c'est Maëva Duprier. Alors, est-ce qu'on l'avait reçue, Maëva? Alors, moi je ne peux pas vous le dire. Ben oui, mais c'est ça. Je ne pense pas qu'elle était là. Alors, une jeune femme... Alors, c'est pas que je suis étonné ou quoi que ce soit. Et si on m'écoutait, moi, je suis franc. Autant je dis des conneries, je suis franc. C'est vrai que par rapport à d'autres candidates et par rapport à d'autres candidates nombreuses qui méritaient aussi, et d'ailleurs, je trouve le palmarès est vraiment bien placé, c'est vrai que pour moi, pas qu'elle détonnait, mais c'est sûr que d'entrée, elle avait une personnalité, elle avait un physique, elle avait un charisme. Mm-hmm. C'est pas style, ah, ça y est, je suis bien foutu, et je suis... Non, du tout. C'était qu'en plus, elle prenait l'objectif de la caméra. J'ai fait des photos avec elle, c'est pareil, voilà, pour ceux qui les verront... tout de suite, elle a ce truc naturel devant le photographe. Elle est naturelle, elle se la joue pas, elle est pas nanana. Mais très pas bien. Comme toi, quoi. Elle est pas comme moi. Et c'est bien pour ça qu'on. c'est bien pour ça qu'on m'a proposé d'être le photographe et pas la miss. Hein. Et donc il s'avit. Même les filles qu'on a reçues, elles étaient très. Ah, elles étaient donc, absolument. Cool, donc ouais, c'est Maëva Duprier. La première dauphine, c'est Marion Cousin. Et la deuxième dauphine, Marie Mitnard. Donc, qui sont les. Amis Saluin, en fait, qui sont les dauphines de l'année dernière. Ouais. Et qui sont les dauphines de cœur. C'est-à-dire, c'est les premières dauphines. Voilà, elles sont très, très représentatives. Et si Marie Mitnard, un rapport avec Iris Absolument. Mais voilà. Et ça s'arrêtera là, mais oui, elle a rapport tout ça. Non, c'est vrai. C'est sa mère. Pardon. C'est sa mère. C'est sa grand-mère. Et c'est pour ça qu'elle ne paraît pas Miss Univers comme ça lui ressemble. Elles étaient présentes d'ailleurs. Donc, c'est sa sœur. Visiblement, c'est pardon, sa sœur. Oui. D'accord. Et donc, donc voilà. Les et parents ça... étaient là, hein, d'Iris. Les parents et les grands-parents. Absolument. Oui. D'accord. Oui, si, si. La troisième dauphine, c'est Audrey Asana. La quatrième dauphine, c'est Anaïs Cailleux. Et le prix spécial du jury, c'est Elena Egorine. De toute façon, je vous invite à taper ces Miss Aluin 2017 sur Internet. Et vous retrouverez alors mon collègue photographe Noré Claire qui a fait de belles photos pendant le shooting. Moi, j'ai fait tout le shooting avant photo, avant présentation pardon, oui, des voilà. candidates. Ouais. Et dans 15 jours, vous aurez le shooting officiel que je vais faire avec voilà, Miss Aluin, avec les dauphines, etc., que je transmettrai, parce que nous sommes partenaires en tant qu'émission 80 à l'heure. Je ne parle pas oui, d'RQC en tant que radio, évidemment, en tant qu'entité, mais l'émission 80 à l'heure est donc marraine marraine de cœur. Voilà. Eh ben écoute, moi, si, c'était un beau show. Et oui, elle a 22 ans, Maëva, elle est de M, elle est coach sportive, elle est très, très gracieuse sur le podium, c'est vrai que voilà... Et bah ça s'est très très bien passé. C'était une belle soirée à laquelle, et oui, je n'ai pas pu assister parce que j'ai dû. C'est terrible. Hein. Je suis puni depuis un mois sur beaucoup de choses. Voilà. Mais je suis franchement, franc. C'était une belle... Ah mais je me suis excusé au comité. J'étais photographe officiel. Il fallait que je vienne. J'étais appelé par mon boulot avec une fin de non recevoir. Il fallait que j'y aille pour des choses très très importantes et j'ai pas pu aller. Aux séances de maquillage, aux séances de photos, je pouvais pas. Dommage, mais il fallait m'appeler. Moi, je serais venu. Non, parce que ils veulent quelqu'un de sérieux pendant les misses. Ouais, voilà. Et j'étais le seul officiel qui avait le droit de les approcher. C'est bien ce que je dis. Il fallait m'appeler. Voilà. Ouais. Non, mais c'était une belle organisation, une belle Alors, soirée. Alors, est-ce que le show était bien, Onissa? Oui, très bien. Allez, j'ai pu voir les filles défiler en maillot de bain, en robe de mariée. Ouais. Ah, si, elles étaient très belles. Maillot de bain, ouais. Elles ont dansé. Elles ont dansé en maillot de bain d'ailleurs. C'est juste. C'est vrai. Edwin l'avait dit. Une pièce. Hein. Une celle pièce, du haut ouais. ou celle du bas, comme dirait Gustave. Ah ouais, bizarre. Elles sont toutes d'une pièce. Elles sont toutes d'une pièce. Ouais, je pense. Couleur ah ouais, c'est officiel. Oui, d'accord. C'est couleur or. Bleu. Elles avaient toutes or ou bleu. Or ou là, bleu, elles ouais. étaient en couleur or. Oui. Non, c'est pour ça. Prouver que j'y étais quand même, parce que sinon, ouais. Bien sûr, mais on croit. Bah, tu m'as même dit si tu passes, viens. J'ai dit, t'es là? Non, bah couvre l'événement. T'étais pas là. Et non, franchement, c'était chouette. Une belle ambiance, tout. D'accord. Si. Donc voilà, donc félicitations à Maëva. Et beaucoup de partenaires d'ailleurs qu'ils ont remercié et franchement ils sont bien. Donc, félicitations à Maëva. À Maëva, donc qui est devenue Miss Aluin donc 2017. Ouf, il a pas dit MacGyver. Toutes ces dauphines. Et bon, on va faire une petite coupure musicale, Sherlock. Oui, bien sûr. Je vais peut-être faire ma chronique. Après, il a oublié. Après, ah bon, je suis oublié. Non, mais t'as vu comment il coupe maintenant? Il fait des coupures au bout d'une minute. Il time. Et ben, on va se retrouver. Je le ferai pas. J'ai pas envie. Mais si tu vas faire la chronique. Non, j'ai pas envie. Mais si tu vas la faire. Si, comme ça, je peux la faire. On va se retrouver juste après Billy Ocean et Caribbean Queen et Bananarama avec Cruel Summer. Est-ce que c'est pas. Non, c'est pas la musique d'un film. De quoi? Non. Caribbean Queen? Non. Je ne pense pas, non. Pirates des Caraïbes Queen. Ah non, c'est, j'adore cette chanson. Caribbean Queen. Mais c'est ça. J'adore quand tu fais ça. Mais lui, il faudrait pendant une année, dès qu'il se met à chanter, et après le mettre en accéléré sur toutes les vidéos. Il est toujours comme ça. C'est ça. Le papa pingouin, le papa. Bon, je vais te le mettre. Quelle horreur. Ah bah ça tirait bien. Bah c'était l'Eurovision. Ouais. Oui, c'est ce que je me disais. J'ai ça. Revu. Si, c'était l'Eurovision. Je regardais récemment une émission sur l'Eurovision. Je me dis ça va être complètement indigeste. Et en fait, c'est venu depuis la genèse de l'Eurovision. Ouais. Et puis bien commenté là par contre, bien documenté pour expliquer comment c'est fait. Il y a un côté un peu politique, revendicatif. Bien sûr. Et en fait, c'est vraiment sympa parce que je suis resté pendant une heure et demie et c'est vrai qu'il y avait des trucs improbables. Comme il y a un effet, alors évidemment, là on est à la radio, mais ils expliquaient qu'avant, les gens étaient complètement en train de chanter comme ça. Et à un moment, il y a une femme qui s'est permis, elle est arrivée avec une robe de soirée à paillettes, style Dalida que vous connaissez de l'époque, et elle avait un châle sur elle, et elle s'est permis au moment de chanter de retirer le châle et l'ouvrir pour le laisser tomber au sol. Ça a été un truc phénoménal, ça a attiré toutes les vues, parce que d'un seul coup, elle découvrait un léger décolleté. Je veux dire, c'est une nuance degré, hein. Maintenant on en est à 300. Et je veux dire. Une nuance degré. Ouais, non, c'est une nuance. Enfin, c'était d'orange. Des... Bah non, mais c'est vrai, quand elle ouvre le truc, c'était une nuance degré. Hein, mais, Et ça fait pas scandale, elle a gagné parce que c'était un jeu scénique. Sûr, alors ils l'ont tous fait sûr. Après avec des plumes qui s'ouvraient, des trucs de papillons, des trucs improbables. Mais c'est, de toute façon, quelque part, l'Eurovision, ça se perd un peu, quoi, faut être honnête. Alors, l'émission, on en a parlé beaucoup. L'émission montre que de toute façon, TF1 et les Français sont des cons. Parce que quand t'as une émission qui fait 234 millions d'auditeurs, il y a qu'un. Forcément, ça passe dans tous les pays. Non, mais pour les pubs. Ah oui. Il y a qu'un con pour dire que ça ne marche. Je parle pas de toi, mais oui, oui, eux le disaient à une certaine époque. Ils ont... Non, mais je me comprends. Non, mais je suis d'accord. Pour ceux qui nous écoutent. TF1 avait voulu arrêter, donc il s'est dit, ouais, mais les Français, 54 millions de Français. Il a reçu plus de 3 millions. La dernière fois que vous avez entendu une chaîne recevoir 3 millions de lettres pour dire, mais vous êtes cinglés, nous on aime bien. Et ils se sont rendus compte encore que c'était kitsch, que c'était peut-être pas ce qu'on aimait, mais que les Français, la ménagère de moins de 40 ans, mais avec... Ben, en fait, adoré, on en parlerait ici, on en rigolerait, c'est vrai, l'Eurovision et tout ça. Amir a fait un tabac, Amir a monté son disque, et pourtant, il n'a pas été premier, il a été sixième. Et pour autant, il a adoré des Français, parce qu'ils aiment ce côté kitsch de pouvoir se vote un petit peu. Et en fait, c'était une très très bonne émission de se rendre compte que ben, on est encore un public populaire, on aime les trucs simples, on rigole devant la petite grand-mère de 80 ans ukrainienne, mais qui est venue à 80 ans chanter avec une voix plutôt assurée. Ah bon? Ah oui, oui. Avec sa fille et les autres qui sont en costume traditionnel ukrainien avec la grand-mère de 80 qui fait un chant ukrainien traditionnel mais un petit peu plus soutenu, et tu te dis c'est d'une ringardise formidable parce qu'en fait c'est magnifique ce qu'ils ont fait, et en fait ils ont eu un vote d'adhésion, ils sont arrivés 6e, et j'ai trouvé ça formidable parce que la petite grand-mère 4e. Et la France 12e. Et la France 12e. Oui, alors je me doutais qu'Alma serait pas montée sur le podium. Non, je suis d'accord. Le problème, c'est que moi aussi, il y a un truc culturel et n'y voyait aucune parenthèse entre les deux. Beaucoup de gens disent aussi, c'est ça, que. C'est des guillemets. Ouais, pardon, excuse-moi, c'est pas radiophonique. Parenthèse entre les deux, c'est des guillemets. Ouais. Donc des guillemets parenthésiques, comme dirait Ghostbuster. C'est que, voilà, je pense qu'à un moment, on a un côté culturel et la France, c'est toujours ça. On essaye d'afficher absolument des personnes, des cultures. Là, on est dans une approche multiculturelle pour montrer la truc française, blablabla, ça prend 3 heures. Les gens, souvent, adhèrent à une chanson, adhèrent à un truc récurrent qui fait que voilà, c'est et ça fait... Amir avait quand même toutes ses chances, c'était pas mal ce qu'il a fait, c'est pas parce que je l'aime bien. Par contre, celle qui a gagné le méritait, comme Céline Dion et Lara Fabian, c'est Céline Dion qui a gagné. C'est quoi, c'est Requiem, c'est ça hein. Ouais. Ne partez pas sans moi, laissez-moi vous suivre. Ah non, mais je parle de cette année. Vous êtes en train de chanter. Requiem. On parlait de Céline Dion. Céline Dion, hein, nous. Ah ouais, mais Céline Dion, c'est il y a 30 ans. Requiem, c'est quand? Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Oui. Et je trouve qu'il y a un côté, c'est très bien le multiculturel, je pense, parce que autant je sors des trucs, mais le multiculturel en musique, c'est bien. Mais là, c'est pareil, on emprunte soi-disant la France, les machins, les trucs qu'on présente, et on se dit derrière, bah ouais, mais on met pas des trucs rythmés, on met pas des... Mais je crois que c'est fait exprès, hein, parce que... Bah oui, mais à chaque fois... Je crois que la France n'a pas envie de gagner pour organiser l'Eurovision chez... Je pense pas. Si, t'imagines la retombée. Mais ça coûte une blinde aussi, c'est ça. Ça coûte trop cher. Il y a plein de pays qui veulent pas le faire. Et d'ailleurs, le Portugal va être un peu mal, quoi, parce que derrière, il va devoir réorganiser l'Eurovision l'année prochaine, puisque c'est le Portugal qui gagne cette année. Toutes les pom-pom girls avec les... Et ouais, mais le Portugal n'a pas forcément les moyens. Derrière il y a toute la machinerie. Il y a toute la machinerie derrière, et je pense que c'est un peu calculé. Oui. On fait en sorte que, par contre, voilà, soyons pas mauvais, mais pas trop bons non plus, parce qu'on n'a pas envie de gagner. Je pense. Par contre, le Portugal est sponsorisé par Gillette en truc, parce que quand toutes les Portugaises ont levé les bras, elles seront épilées. Et d'ailleurs, la période où il y a un pic de vente de rasoirs. J'embrasse toutes les Portugaises. Le pic de vente de rasoirs au Portugal, c'est la fête des mères. Ouais. Et aussi quand je fais une chronique. Non, mais arrêtez quand même, j'y crois. Si, c'est vrai. Bah, il m'a lancé sur le sujet, j'y peux rien. Bon, allez, on va faire une coupure musicale quand même. Donc, tu nous parlais donc je disais Billy Ocean avec Caribbean Queen, et on reviendra juste après avec Cruel Summer des Bananarama. Homosexuel, Caribbean. Caribbean Queen. Ah, Queen. Oui, Queen. Ah. Non, pas Gwyn. Ah, pardon. Oh, t'as dit Gwyn. Oui, j'ai dit Gwyn. Bah. Allez, mais là, je dis Queen. On dit lesbienne, ça file. Thank you. Sharing the same dream. bien chez RQC dans l'émission 80 alors. Tu rigoles, hein, ce bruit-là, ça passe beaucoup plus vite que 80 alors, écoute. Dans l'émission 210 alors. Vous n'êtes plus sur RQC dans l'émission 80 à l'heure. Vous y étiez. C'est parce que t'as faim. Oui, bah oui, mais excuse-moi. Je constatais que ça sentait le poulet. J'ai mis Axe. C'est un nouveau déodorant, c'est Axe poulet. Non, c'est un poulet. Logiquement, c'est un spécial police française de 24 heures. C'est, à mon avis, c'est Kamel qui doit avoir. Vous n'êtes pas gentil avec moi. Oh, Nissa, on te taquine, évidemment. Eh bien, il est un peu plus de 21h et c'est l'heure, évidemment, de la chronique rétro-ciné 80 de notre ami Sherlock. Oui, mais alors là, je... la chronique de Canon. Canon, c'est juste après. Mais je taquine. Mais t'inquiète, tu vas la faire. Non, je t'emmerde. Mais Sherlock est perdu, là, tout d'un coup. Ça va mieux. Ça y est. Ça va mieux, gars. Non, t'emmerde. Ta mère aussi. Montons vite dans la DeLorean et partons vers l'année 985. Ouais, t'as DeLorean, ça s'est fait dans ma cité. Ça fait 3-4 ans qu'il fait la chronique, c'est toujours les mêmes dialogues. Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Voilà. Hey, montons dans la DeLorean, machin, je connais pas. Ah oui, bah écoute. Et partons. C'est vrai qu'on commence à passer vraiment pour une émission de vieux. T'as DeLorean à la légende qui déchire sa mère. Qui claque sa mère, pardon, ouais. Alors, c'est vrai. 1985, effectivement. Alors, c'est sorti le 27 novembre 1985. Un mercredi. Oui. Et dis-lui un jour, non. Et non, spécialement, ah ouais, c'est un mercredi. Ça serait bien un jeudi. Non, bah, ça serait... non mais c'est vrai que des fois, il y a des films qui sont sortis d'autres jours que le mercredi. Elle adore être contrariée. Bon, alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire, hein. Le film a fait 752 616 entrées au box-office français. Pas énorme. C'est pas énorme. Mais il a quand même eu 3 prix, dont 2 Oscars et 1 Saturn Award. Wow, et d'accord. 7 récompenses, enfin 7 récompenses en tout, en notant des Saturn et des Golden Globes. Donc c'est un film de science-fiction. Oui. Oui. Oui. Bah oui, effectivement. On commence à Saturn des choses. Et Saturn part rond chez nous, mais on. Ah, on non, suit. Mais c'est bien, vous commencez à suivre. Et 3 ans de chronique à la con, je veux dire, on commence à suivre. Un truc que vous avez retenu, c'est bien. Nom de Zeus. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah, pas grand-chose, en fait. Hein, t'as préparé ta chronique ou quoi, là? Bah oui, si. Bah, merci, je vais faire la mienne. Si, bon, je vais vous donner des noms d'acteurs. Il y a Herta Ware. Ouais. Le fils de Knocky. Ok. Non, de Tupper. C'est le fils de Tupper. Tupper, ouais. Il y a Jessica Tandy. Maureen Stapleton. Jessica Tandy qui était qui a joué dans si je ne m'abuse. J'ai pas connu. Elle faisait c'est la vieille qui joue dans Machin et son chauffeur. Miss Daisy et son chauffeur. Ouais, c'est elle. Je hein, pense. Jessica ouais. Tandy, hein, je crois. Il me semble. Ouais, si ouais. Je m'abuse. Donc Maureen Stapleton, Tani Welsh qui est la fille de. Bah non, c'est Raquel Welsh. Ouais, Raquel, ouais. Qui a fini dans un à Boulogne-sur-Mer. Dans un Welsh. Steve Guttenberg. Ah ouais, la fameuse Police Academy. Oui. Ah, je me souviens très Brian bien. Brian Dennehy. Ah oui, alors ça me parle. Ouais. Brian Dennehy, ouais. Ça... Brian Dennehy, tiens, vous l'avez forcément vu. C'est un acteur qui est passé dans 1001 films. On connaît son visage dès qu'on le voit. On connaît pas forcément son nom. Enfin, on revient pas forcément sur son nom tout de suite. Ah, si, ça me parle. Mais on connaît forcément son visage et sa voix qui est associée à cet acteur en France. Il y a également Hume Cronin, Wilford Brimley. Et le dernier, c'est Don Amesh. Il y a du monde, dis donc. Alors, Don Amesh. Moi, je fais le truc radiophonique, c'est qu'il y a Sherlock qui est en train de parler à Harry, en train de le regarder droit dans les yeux. Vous êtes beau. Non, bah alors vous avez des micros qui sont juste en face de vous et c'est plus difficile de capter le regard quand vous avez des pieds de micro qui sont dehors. Surtout que tu veux te faire arriver. Ouais. Aussi, mais bon, maintenant je suis grillé. Voilà. Donc, Don Amesh, par exemple, c'est l'un des patrons dans le film Un fauteuil pour deux. Des deux qui fait le pari que Eddie Murphy va être aussi bon que Danny Brian Craig. Dennehy, évidemment, il a joué dans Rambo. Oui, bah oui. Et tu sais, dans 5 secondes, il va sortir le titre. Le méchant dans Rambo, c'est absolument. Brian Dennehy. C'est oui, ça. Pour ça que je me disais, bah oui. Ouais. Oui, absolument. Effectivement. Alors, je vais vous passer le premier extrait. Écoutez bien, c'est une chanson. C'est Michael Cimbello qui chante. Ah. Alors le nom de la chanson s'appelle Gravity. Le titre, tu veux dire? Ouais, le titre de la chanson. Le nom de la chanson, le titre. C'est Gravity. Ah ouais, ça dit rien du tout, mais Michael Cimbello. Bah oui, forcément. Maniac. Maniac, évidemment, bah oui. Dans Flashdance même. Je vois pas du exact. Coup. Bon, je vais vous donner un extrait de dialogue. Écoutez bien, c'est celui-ci. On entend notamment Donna Mesh qui parle. Auprès de ma blonde, Donna, qu'il fait bon dormir. Lise-moi un peu ce gaillard. Il chassera la gonzesse jusqu'à ce que sa bite soit bouffée par les vers. Oh, je suis trop vieux pour ce genre de fantaisie. Oh, mais là, c'est pas ça qui compte. Non, non. C'est là-haut que ça se passe. C'est vrai, c'est vrai. Là-haut, je dis pas, mais faut quand même quelque chose en bas. Oh. Et entre parenthèses, le quelque chose, c'est un roc. Toi aussi? Non, non, ne me dis pas que tu bandes. Moi, de l'acier. Un chat n'y planterait pas ses griffes. Ah, je croyais être le seul à qui ça arrivait. Auprès de ma blonde, qu'il fait bon bander. Alors. Eh ben, écoute, tu viens de la bouche à quoi? Canon a l'air d'être sur la piste. Ouais, ça m'a fait une soirée avec toi. Au Minoy, c'est ça, ouais. Ça m'a fait une soirée avec toi. C'était la mandarine. Gristé, là. Je sais pas de quoi tu parles. Je ne connais pas, monsieur. Mais n'importe quoi. Non, non. Ça sert à rien. Ta gueule. Connard. Sherlock me dit retire-toi d'Harry. Ouais, non. Ouais. Et recule ton micro parce que là, ouais, ça on part en flèche. Voilà. Tu vois, pour une fois, c'est pas moi. Ouais, bah non, moi, ça me dit rien du tout. Ça ne te dit rien. Mais c'est un film de science-fiction, tu c'est dis. Un film de science-fiction. D'accord. Alors, je vais te passer le. Enfin, je vais vous passer le deuxième extrait de dialogue. C'est un film connu. Bah oui, c'est connu, ouais. Ouais. C'est un film très connu. Écoutez bien. Et un truc dans notre piscine qui fait un bien fou à nos amis, il en a vraiment besoin. Pour tout vous dire, on est quelques-uns à en avoir besoin. Nous, on s'en fout de savoir qui vous êtes, d'où vous venez, ce que vous faites ou ce que vous allez faire. Mais la piscine, on en a besoin. Écoutez, Ben, vous voulez aider un de vos amis? Moi, j'essaie d'aider les miens. Mais il faut comprendre, mon ami Joe Finlay, il a un cancer. Tous les 10 000 ou 11 000 ans, Dieu sait pourquoi je fais une terrible boulette. Vous allez nous la prêter, la piscine? Mais pas question de toucher au cocon. Non, non, juré. Film, ah bah oui, ouais, bah oui, là j'ai, bah ouais, évidemment, je vous ai quand même bah bien oui. mis sur la voie, ouais. Ah oui, mais c'est avec des retraités. Oui, bah oui, oui, j'allais dire. Oui, c'est pour ça qu'il y a Donna Mesh. Ils sont très heureux, ah bah oui. D'ailleurs. On sombre dans la gériatrie. Tu vas chercher loin là. Ah bah écoute. Ah ouais, carrément. Je vais chercher dans des films qui. C'est un très bon film. Il y en a eu deux d'ailleurs. Oui. Il y en a eu deux. Et bah, très bon film. J'ai vu ce film. Ouais. Ah. Très bon film. Mais je sais pas, moi j'ai bien aimé. C'est une belle histoire. C'est magnifique. C'est con. C'est pas mal. Onissa a vu le film, mais elle connaît pas le titre. Ouais, oh. Non. Et je te promets. En fait, quand si on peut lire, ils sont en quête à la recherche d'un élixir, en fait. C'est ça, ouais. Ouais, c'est ça. Allez, je vous donne un indice. Dirty Dancing. Il y a Suez, non? Dirty Dancing. Ouais, je vois pas le. Ah oui, exact. Oh là. Attention, je vais chercher. Alors c'est poussé, hein. Là c'est poussé quand même. C'est, ouais. Et ceux qui nous écoutent, c'est très radiophonique. Donc il y a Harry qui vient taper sur son cœur. Rappelez-vous la scène. Et ça tenait à cœur de le dire. Exactement. Boum boum. Et donc vous avez Patrick Swayze qui fait avec sa main sur son cœur et qui fait. Bah je suis comme Onissa. Qui donne le titre du film. Je sais de quoi on parle. Je sais de quoi on parle. J'ai plus le titre. Et c'était mentionné en anglais. Quand il tape sur son cœur. Il tape sur son cœur, pas tué. Ouais, oui, et le titre du film a été mentionné. Le titre du film est en anglais. Mais et il tape. Non. Non, non. C'est pas... ouais. Alors, je vais vous passer le thème du film maintenant. Et je vais vous donner le pitch du film également. Donne. Alors, un groupe d'extraterrestres déguisés en humains reviennent sur Terre pour reprendre des cocons de leurs espèces. De la planète Antares, qu'ils avaient laissée lors d'un précédent voyage. Une fois qu'ils ont récupéré les cocons, ils les conservent dans la piscine d'une maison qu'ils ont louée dans une petite ville de Floride. Ils sont gênés dans leur entreprise par quelques personnes âgées, pensionnaires d'une maison de retraite située non loin de la maison. Et donc ces derniers se sont secrètement baignés dans la piscine et ont découvert les pouvoirs extraordinaires des cocons. Eh oui. Alors donc... Cocoon, évidemment. C'est un beau film. C'est un film de Ron Howard. Ah ouais. Qui jouait Richie Cunningham dans Nos Jours Heureux. Ah oui. Absolument. Happy Days. Dans Happy Days, voilà. Ouais. Et c'est une musique de James Horner. Oh, j'adore. Qui est mort d'ailleurs. Oui, qui est décédé. Hein. Ouais. Avec son accordéon. Ah si, bah pour une fois, j'ai vu. Non, mais c'est non, pas Yvette. James. Ah, James Horner a fait des super musiques d'ailleurs. Je crois que c'est lui qui a fait Titanic. Oui, c'est ça. Casper aussi. Gasper. Ouais. Casper. Attention. Gasper, j'aime bien. Non, c'est Casper. C'est Casper. Non, oui, tout le monde. Mais il y a beaucoup de gens qui disent. Excuse-moi. Ouais, c'est vrai. Hein. Casper, mais non, Gasper. C'est Casper. Allô, Houston. Alors, donc, il faut savoir que le studio avait contacté Robert Zemeckis pour réaliser Cocoon, mais ce dernier a été déjà appelé à la dernière minute par Michael Douglas pour tourner à La Poursuite du Diamant Vert. Et donc, les producteurs se sont alors tournés vers Ron Howard. Donc, Ron Howard qui a également fait Godzilla. Plus récemment. Ah oui, c'est vrai. Apollo 13. Oui, Apollo 13, oui, exact. Il y en a fait plein. Hein. Il a fait quand même pas mal de oui, trucs. Oui, oui. Armageddon, c'est lui, hein, je crois. Je sais pas. J'ai un doute. Il a même fait les principes de la Dianétique pour la Scientologie. Hein. répète. Vous saviez? Je crois que c'est Jerry Bruckheimer qui déjà, a fait pas compris, la Scientologie. Ouais. L'église de Scientologie. Ouais, voilà, les principes de la Dianétique, qui est le principe de la Scientologie. C'est ouais, Ron Howard. La Bible de la Scientologie. Bien sûr. Donc elle est un des plus grands adeptes, vous savez, comme vous le saviez. Voilà. C'est le fondateur, père, bien sûr. Exactement. J'ai été recruté. Je vais vous évangéliser. Je ne sais pas si c'est le même Ron Howard, par contre. Je ne sais pas. J'en ai l'œil qui tombe. J'ai un doute, par contre, là-dessus. Donc, à noter que Tani Welsh, alias Kitty dans Cocoon, est la fille de l'actrice Raquel Welsh, et Clint et Rance Howard sont respectivement le père et le frère de Ron Howard. Donc, ils ont joué également dans le film. Et donc, Cocoon fait partie d'un diptyque, donc une suite de deux films. En effet, Cocoon le Retour est sorti en 89, soit 4 ans plus tard. Je me rappelle pas du deuxième. Ah, moi non plus, ouais. Mais le premier, le deuxième a fait moins bien que le premier déjà. Mmh. Donc, le premier avait pas fait beaucoup de sorties en France, malheureusement. Alors que c'est un très beau film. C'est un super il n'y a pas film. Eu un Cocoon 2 C'est ce que je viens de dire. Oui, c'est ça. Non, non, ça s'appelait Cocoon. C'était Cocoon le Retour. Oui, forcément. Le Retour. Mais non, c'était pas. Mais non. Non, mais là, vous n'avez pas me démonté. Ça pouvait porter un autre titre. Non, c'est Cocoon 3, le Retour. On sait que Terminator, c'est le soulèvement des machines, la Renaissance, mais c'était aussi Cocoon 2. C'est bien ça. Oui, Cocoon 2, Cocoon le Retour. Et comme Titanic le Retour aussi. Ouais, c'est non, ça. Il est jamais revenu. Hein. Mais c'est marrant parce que je reviens sur ce que Flipkat nous disait la semaine dernière. Parce que c'est ce genre de film qui a pas forcément très bien marché en salle parce que bon c'était 700 000 c'est ça hein, ouais, 700, mais en vidéo 000. Ça a super bien marché oui. Et c'est vrai que cette époque là on la vit plus aujourd'hui à l'époque où on allait dans les vidéoclubs mais c'était des sacrés VHS, week-ends ouais, voilà. Non, c'est ça mais... tous les week-ends on allait louer aujourd'hui sincèrement on loue plus de films non. Ouais, mais finalement tu penses pas maintenant, c'est toujours ce que je me dis, t'as un pote qui est au Japon, il sonne maintenant, t'es en train de parler, ça sonne, tu mets ton portable, t'arrives à discuter avec lui sur Skype au Japon, tu veux louer un film de manière légale, évidemment, t'as tout, King Kong 2 qui vient de sortir, enfin, façon de parler, il est déjà en streaming partout, gratuit, tu cliques, t'es en streaming, tu regardes le film en HD sur ton grand écran, parce que maintenant avec ta tablette, tu fais ça avec ton doigt et t'envoies ça sur ta tablette. Je veux dire, on est dans un monde maintenant. Je suis d'accord avec toi. À l'époque, non, on n'avait pas accès à tout ça. J'entends bien ce que tu me dis, mon ami Canon. Ouais. Mais quand même, tu m'empêcheras pas de croire que maintenant, on loue moins de films, même pour les chargements ou quoi que ce soit. C'est vrai, le week-end, c'est un événement. Il n'y a plus de vidéoclub. Tiens, dimanche, allez, on va se louer 3-4 films, et puis on se fait une petite soirée sympa, machin, et que maintenant, on le fait plus. C'est ce qui me dégoûte dans ce système, c'est qu'on a accès à tout et c'est génial. Ouais. D'un autre côté, c'est permissieux, même les gamins veulent. Maintenant, tu regardes TF1, j'ai pas vu le journal, tu fais le replay. Enfin, c'est con, hein, mais je veux dire, Oui, ça, je suis d'accord que ça, moi, ça me désespère à chaque fois quand je vois les gens. La dernière fois, j'étais dans un restaurant et je voyais, je vous fais un petit cliché, hein, je vais très vite. Je voyais un couple, ils avaient leur CMR. Hein. Ils étaient en train de discuter, à un moment, c'était le dessert, et t'as tous les deux qui étaient sur leur portable, en train de regarder, etc. Et tout le monde dit, ouais, tout le monde est pareil. C'est de pire en pire, bah, moi non plus. Et quelque part, même dans l'émission, j'avais pas de portable avant, et là, je le regarde pas, mais je l'ai quand même regardé. Je veux dire, on a tendance maintenant à être tout le temps synchronisé, tout le temps avec la vie des autres. Et c'est qu'avant, quand tu vois leur vie, t'as pas envie de la vivre. C'est vrai. On dit ça. D'ailleurs, je suis étonné, Frippiat, il a pas son portable là. C'est étonnant. Il est déchargé. Non, non, il n'est pas déchargé. Il s'est fait greffer. Bon, allez, bah, écoute, non, merci. Vrai, mais je vous en prie. Ah ouais, c'est un beau donc, film. Donc, Cocoon, ça. Évidemment. Donc, vous vous rappelez de ce film-là. Ah, pour une fois que j'en ai vu. oui, il était temps. Hein. Sherlock, on va continuer en musique, évidemment. Merci, oui. Et alors, je vous rappelle que d'ici quelques minutes, donc, on va recevoir Séverine. Séverine Cavicchio qui va nous parler donc d'un événement qui aura lieu donc ce dimanche donc à la salle Roger Salengro puisque ce sera donc elle nous parlera donc d'un défilé de mode et ben ce sera d'ici quelques minutes certainement après cette coupure musicale que Sherlock nous a préparé avec amour. Oui. Et ben alors avec Who's That Girl de Madonna. Ouais, je sais que toi c'est tiré pas tiré du film d'ailleurs. Oui oui oui, exact. Ouais. Ça rappelle et ensuite avec Cool and the Gang et Fresh. Oh, ça j'adore. Parce qu'on en a besoin de fraîcheur dans le studio. Cool and the Fresh. Quand j'étais gamin, je crois qu'ils disaient Fush. Mais c'est Fush sur Fush. Non, mais sérieux, quand tu les entends, on a l'impression qu'ils disent Fush. Fush. Ouais. Ouais. Bon, allez. Ok. Balance la musique. Allez, c'est parti. Let's c'est Désirless sur RQC 95 FM. Et ben écoute, moi je sens bien, donc j'espère que vous vous sentez bien aussi. Plein de bisous et plein d'amour. Ah, j'adore Désirless avec John. Tiens, oui. Donc, c'est une chanson qu'on entend un peu moins. C'est vrai, ouais. On a tout le temps tendance à écouter Voyage. Je sais que c'était sympa. C'était sympa. Hein. Ah, je préfère John, moi d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais John comme une époque, Voyage. Hein. Mais, donc Désirless qu'on avait eu en interview. Oulala. C'est vrai. Il y a très très longtemps, bien sûr, évidemment. Qu'on avait reçu ici dans les studios. Claudie. Elle s'appelle Claudie Fritsch-Mentrop. Oui, c'est vrai. Ah, t'es sûr. Ouais, c'est son nom. Avant l'accident. Désirless, c'est un peu plus simple. Donc voilà, donc vous êtes dans l'émission 80 l'heure sur RQC 95 FM, comme tous les mardis soirs, donc de 20h à 22h30 avec Sherlock. Oui, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Pourquoi tu dis bonsoir? Bah parce qu'il y en a qui nous rejoignent peut-être maintenant. Ah d'accord. Ah oui. Avec Flipkat. Eh oui, bonsoir. Bonsoir à tous. C'est de la balle. C'est trop bon. Absolument. Et avec Onissa, évidemment. Hello. Alors, on aurait pu s'en passer quand même. Bon, t'es vraiment pas gentil avec moi ce soir. Je plaisante évidemment. Alors, je vous parlais tout à l'heure d'un événement évidemment qui va avoir lieu donc ce dimanche-ci à Waterloo à la salle Roger Salengro. Donc un événement qui que vous ne devez pas rater puisque c'est un défilé de mode. Il y en a pas beaucoup, il y en a pas souvent. Mais c'est bien, c'est une bonne initiative. Hein. Ouais, carrément, ouais, carrément. Ça fait vivre un peu la ville et en plus ça va être sympa. Ouais, ça va être super sympa. Tenu. Alors, c'est organisé par Séverine Cavicchio, je vous en avais parlé tout à l'heure, évidemment, donc notre Séverine à nous. Ah bon ? Oui, chez By Séverine, elle va nous expliquer un peu ça, le défilé, effectivement. Bah oui, t'es là pour ça, hein. Elle est avec nous, c'est Séverine. Salut Séverine. Bonsoir Séverine. Bonsoir Séverine. On dirait les alcooliques anonymes. Ouais. C'est ça, ouais. Bonsoir. Bah c'est un peu ça. Mais c'est vrai qu'elle boit pas mal. Elle a un petit air à Whoopi. Ouais. Whoopi Goldberg. Ouais. C'est vrai. Ouais, un peu plus à Goldberg que Youpi. Je préfère Beyoncé. Tu préfères Beyoncé? Ouais. Y a quelqu'un qui t'a dit ça? Et vire-le sous quel ta gueule. Non, vire-la sous ta gueule. Comment ouais, tu vas? Ouais. Ça va bien, merci. Bon. Alors, raconte-nous un peu, effectivement, ce défilé qui aura lieu donc, ce dimanche. Oui, donc dimanche 21 mai à 14h30, début de la prestation avec une animation par la troupe Nord-Sud. Ah, avec Pascal. Oui. Tu peux Pascal, parler avec un voilà. Air sympathique parce que tu es à la radio, quoi. Tu fais quand même ta promo, ça serait sympa. J'ai pas l'habitude. Non, c'est, de quoi d'accord. De parler. Ah oui, pardon, je t'en prie. Donc voilà, animation d'une petite heure, le temps que les gens arrivent et s'installent. Il y aura un bar, deux, trois petits stands, stand de chaussures, enfants et vêtements enfants, un stand de By Séverine avec accessoires, etc. Pas de vente de vêtements. Accessoires comment Ouais, je pensais qu'elle avait foulard, parce que Séverine, By Séverine, avec des foulards, ouais. Des longs foulards, François. Moi, je pensais qu'il y avait des trucs... Non, pas du tout. Ah, merde. Boutique By Séverine. On nous avait dit que ça allait être chou, quoi. C'est du soft, hein, quand même. Ah, chou. Exactement. Ah, oui, tendance chic et classe. Oui, c'est vrai. Et... ça peut l'être aussi, tu sais. Alors, on va pas trop faire de promo, parce qu'on peut pas trop non plus faire. Voilà. Mais tout à l'heure, Canon est arrivé avec une veste magnifique. Ah, La deuxième. Pour une deuxième, fois, il était beau. Je vais pas faire de promo, donc je vais prendre mes responsabilités. Séverine, déjà, en parler, c'est quelqu'un du spectacle, parce qu'on la connaît. Voilà. C'est quelqu'un qui fait du spectacle et qui un jour s'est lancé dans une société qu'elle a montée sur Waterloo, et moi bah je la connaissais aussi, je me suis dit bon bah voilà, bibi baba bobo, on sait que des gens se lancent et tout. non okay, vous savez, c'est pas parce que c'est une amie on se dit ok. Et en fait elle a su monter ce magasin avec vraiment de la, comment j'appelle ça, c'est pas du tout péjoratif, de la super fringue, mais aussi de la friperie, de la truc, quelque chose qui sort un petit peu de l'ordinaire, de tout ce qu'on peut d'ailleurs voir. On l'appelle la friperie du moulin. Non, juste voilà, non, c'est un établissement à Waterloo qui est très connu, qui est la friterie du Moulin, c'est vrai. Et en fait, on a eu l'occasion parce qu'on se connaissait, j'y suis allé là, et j'ai tous les qualités, vous le savez, du monde et très peu de défauts. Mais par contre, j'ai pas un défaut, j'aime pas porter des vestes, je suis un fou des vestes. Et en fait, elle m'a montré plusieurs vestes qu'elle faisait pour hommes, qui sont vraiment un peu Stylé, mais sans la faire classe stylée, c'est-à-dire c'est que ça sort de l'ordinaire, c'est classe, c'est parce vrai. Que bah, évidemment, je si je les porte, c'est que c'est classe. Dès que je les porte, elles sont beaucoup plus classe, hein, et vous pouvez me voir tous les jours sur TF1. Non. Et donc, Jean-Pierre voilà, vous la retrouvez à Waterloo, l'adresse. 48 rue Roger Salengro. Voilà, 48 rue Roger Salengro. On va revenir avec l'événement, mais c'est vrai qu'il y a, il y a vraiment de la fringue, vrai, même pour hommes. Il y a de super vestes, etc. Et il y a du beau monde qui fréquente cette boutique depuis un an et demi, un petit peu à la fois du beau monde et des gens le kidam moyen, mais aussi du beau monde qui commence à. Je crois qu'il y a Monsieur Macron d'ailleurs qui est venu. Absolument. Il y a le président qui est passé chez toi. Non, il est passé. Absolument. Devant la boutique. Voilà. On s'est fait des selfies festifs aussi. Elle ne veut pas que je mette sur Facebook. Non, anti-Facebook. Voilà, anti-Facebook. Donc, revenons sur l'événement. Oui, évidemment, donc sur la salle Roger Salengro. Donc, voilà, donc il y a l'animation Nord-Sud, donc je disais, de 14h30 à 15h30, début du défilé 15h30, pendant une quarantaine de minutes, une petite entracte de 20 minutes, une demi-heure, avec la reprise du groupe Nord-Sud, qui rechantera quelques... je dirais morceaux des années 80 autres, enfin voilà, un peu festif et voilà. Fais gaffe parce que ça va venir, t'es dans la merde. Et ensuite, 40 autres minutes de présentation de toute la collection by Séverine, en passant du sportwear à l'été. Des sous-vêtements. Peu de maillot de bain. Ah, ils sentent beaucoup mieux, mais pas de défilé. Un peu de maillot de bain, c'est des maillots de bain, mémé. Ah ouais, peut-être pas venir, mémé. Non, mais bon. Voilà. Est-ce que tu vas porter un maillot de bain? Pas du tout. Ah, tu défiles pas? Non. Oh, t'aurais bien. Moi, je te voyais bien avec un beau maillot de bain. Tu défiles vraiment pas? Vraiment pas? Non. Ah ben, je vais venir peut-être. Avec plaisir. Ah non, je vais venir tout seul. Tu peux dire à la radio. Non. Poli. Non, c'est sympa. Les filles, si vous entendez, les mecs aussi, il y a collection pour hommes. Hein. Alors, en fait, c'est collection femmes-hommes du 34 au 56, puisque la boutique fait du 34 au 56. 60 sur demande, et pour les hommes, voire 14 XL si 56 ans, ça va jusqu'à 56 ans, Lisa, tu pourrais y aller. Bah ouais, mais n'empêche, c'est extrêmement rare d'avoir des grandes tailles comme ça. C'est tout à fait. Il n'y en a pas beaucoup. Non, mais bon. On n'en trouve plus. Hein. Tu ne trouves plus de grandes tailles depuis longtemps, Lisa. Une question, qui va défiler alors? Alors, ce ne sont pas des mannequins professionnels, ce sont tous des bénévoles qui font ça, je dirais, pour, d'une part, me faire plaisir, le fun, effectivement, et aussi se faire plaisir. C'est une deuxième édition. L'année passée, ça s'est très bien passé. Ce sont des amis, de la famille. Il y aura Séverine. Tout âge, Séverine. Ah bah oui. Ok, mon amie Séverine. Naomi, déjà, qui est présente ici. Donc, on va en parler. Elle voudrait défiler, mais je pense que non, elle ne veut pas. Tu parles de Naomi, mais présente-la parce qu'elle est à gauche et les auditeurs ne nous écoutent pas. Donc, c'est vrai que j'ai pu. On espère qu'ils nous écoutent quand même. Non, mais ils ne nous écoutent pas non plus, Samy. Donc, c'est pour ça qu'on paye les gens pour venir. Naomi, je l'ai rencontrée récemment. Mes petites antennes m'auraient dit qu'en fait, voilà, elle fait un petit peu de fringues aussi. Et puis, vous seriez liés, mais dans des secteurs un petit peu d'activités différentes. En fait, le but pour moi, c'est, enfin, j'ai toujours aimé travailler avec, je dirais, enfin, l'union fait la force pour moi. Ouais. Voilà. Au plus on s'associe, au mieux c'est. Donc association, je dirais, comment je vais dire. En fait, Naomi développe la vente à domicile. Ce que je faisais. Dans le temps, mais étant toute seule à la boutique, c'est pas évident. Ouais. Donc du coup, ça nous permet d'avoir une diversification. Merci, je suis un peu troublée de parler. Alors toi qui as fait du spectacle, t'es troublée parce que je parle. Non, je sais. Moi, je danse, quand Canon est à côté en train de parler. Mais t'arrêtes pas. La friterie du moulin, elle arrête pas. Je disais qu'en fait c'était ça nous permettait d'avoir un éventail de vêtements, de choix, etc. De la grande taille, de la plus petite taille, des produits tendance, fashion, un peu plus classique, moins classique. plus cocktail, plus cérémonie, enfin voilà, etc., etc. Et puis avec Noémie, voilà. Naomi. Non, c'est Naomi. D'ailleurs, Naomi, en fait, tu en pensais quoi? Elle est en train de dire non, donc elle est à l'antenne. Vous savez comment ça se passe, ça. Naomi, est-ce canon, que tu canon, veux... canon, canon, canon. Oui, décale le micro. C'est pas la peine de le manger, tu sais. Et toi, on maman, tu t'es bien. Et tu. Mais non, mais arrête de gueuler, c'est pas possible. Et il est nerveux aujourd'hui. Depuis qu'il prend du manga. Mais non, c'est le micro de Flipkart. Ah bon. En fait, toucher la clientèle, c'est de l'élargir. Et de parce que on peut toucher la clientèle, la clientèle en déjà on peut toucher la clientèle c'est quand même assez enfin c'est une ville je dirais où il y a très active de personnes oui bah effectivement merci. très active non mais on trouve enfin je dirais que c'est une population très très diversifiée et je pense qu'actuellement il est important de que tout le monde puisse s'habiller à n'importe quel prix n'importe quel budget en ayant de la qualité que ça soit bien tout le monde a le droit de s'habiller. Donc, pas comme Fillon, hein, parce que ouais. On est d'accord. Hein. Par contre, un petit mot aussi, c'est quand vous l'entendez parler, elle est très consensuelle et très professionnelle, etc. Mais c'est une fille super sympa, et je vous assure, si vous allez dans sa boutique, avec elle, vous allez vous marrer. Parce que là, quand vous l'entendez parler à la radio, franchement, on a envie de se faire chier. On se marre un peu moins. C'est une fille exceptionnelle, bon, elle ressemble à rien, mais elle est très très sympathique. Par contre, Naomi, qui ne veut pas parler parce qu'elle est très sympa dans une émission radio, et puis elle va s'exprimer pour la première fois, parce que là, tu es à quel âge, Naomi, s'il te plaît? 39 ans. En plus, elle parle. Donc, tu as 39 ans. Alors, ouais. Tu t'es mis dans la fringue comment? Bah, par hasard, en fait, en discutant avec Séverine. Ça fait drôle de t'entendre. Ouais. Ça fait drôle. D'accord. Et tu t'es lancée. Alors, comment vous êtes rencontrées toutes les deux? Oh, on se connaît depuis un petit moment. Ouais. D'accord. C'était pas la question posée. Harry était au milieu. D'accord. Non, mais avant. Non, mais sérieusement, on dirait l'école des fans avec Jacques Martin. Ouais, voilà. Alors, tes parents. Je vous rappelle quand même, Harry, je vous rappelle quand même que s'il y a des témoins, Naomi, il y a 3 minutes, était complètement paniquée, elle ouais. voulait pas parler. Oui, donc je suis vrai. En train de la faire parler. C'est pas mal. Donc, pas non, mal. Non, mais voilà. Là, c'est bon. Non, mais c'est bien. Continue. Donc, non, mais vous avez fait de la fringue comme ça. Alors, comment ça se passe maintenant, techniquement, sur l'événement? Sur l'événement. Avec Naomi. C'est un petit peu plus clair, ouais. Mais en fait, toi, tais-toi, Naomi. Ça se passe comment sur l'événement, toi? La boutique. Bah, quel la est boutique ton rôle de... à l'événement? Allez, bah, de présenter aussi ses vêtements. Pas toi qui parles. Ah, pardon, excusez-moi. Ouais, mais bon, c'est mon amie. Je vois qu'elle est timide. Mais c'est pour lui faire plaisir. Je vais présenter ma collection, donc les vêtements, les chaussures et les accessoires. Ce que tu vends à domicile. Voilà. En fait. D'accord. Tu fais de l'accessoire? Oui. Ah, c'est bien. Soft, hein. Eh bien, on va revenir sur cet événement, évidemment, tout à l'heure, juste après cette coupure musicale. Oui. Et puis, alors, vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, évidemment, Séverine, Naomi. Bien sûr. Ben oui. Et donc, on va continuer en musique avec les secrets de notre ami Sherlock. Harry, Naomi m'a dit qu'elle me détestait. Pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi. Moi, je comprends pas. Je vois pas pourquoi. Tout le monde m'aime. Et on va revenir sur cet événement, évidemment, juste après cette coupure musicale. Oui, avec Michael Jackson et Billie Jean. Et ensuite, on reviendra avec les Négresses Vertes et Voilà l'été. Ouais. Ah, c'est années 80, ça? Oui, c'est années 80, c'est 89. Ah, tiens, ah, donc. Je pensais que c'était... Eh ouais. Non mais pense pas, Onissa. De quoi, ils sont tous morts? Non, ils sont pas tous morts, non. Non, alors justement, alors Harry peut en parler tout comme moi parce qu'on a encore vu. C'était Stéphane Mellino. C'est ça, guitariste des Négresses Vertes, qui est sur la tournée Top 50. C'est vrai. Qui tourne encore. Bon, forcément, Elno, le chanteur, n'est plus là vu qu'il est décédé en 93. Ouais, donc décembre. Ouais, c'est ça. Ils en ont jamais vraiment parlé ouvertement, mais ah bon c'était. Si, ouais, si, c'était Sida. Sida, s'il ne l'a pas, tu crées quand même. Ouais, d'accord. Ah. Bon, allez, donc Michael Jackson avec Billie Jean et les Négresses Vertes avec Voilà l'été, c'est parti. Des Négresses Vertes. Like a beauty queen. m'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui me chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il me pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail. Les filles sont belles, les dieux sont ravis. Enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été. Enfin l'été, mais il y a déjà plus d'argent. Le tout Paris se transforme en phobie. Le métro surtout devient purulent. Dans ses souliers, le passager abruti. À l'iguaté qui s'exprime violemment, il y a plus d'amis, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Superflu, il fait trop chaud, le soleil m'a pas ourdi. Rillette sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui seront chiés dans le lit. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus. Tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout aigri. J'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles et les vieux sont ravis. Voilà l'été, voilà l'été, enfin l'été, ouais. Toujours l'été, encore l'été. Salut les petits clous, vous êtes bien sur RQC et c'est 80 à l'heure. Allez, à plus, ciao. Tiens donc, Marc Toesca, ouais. Belle rencontre aussi. Hein, oui, très sympa. Qui tournait la page du top 50 quand même. Hein, il n'a bah pas ouais, été très... Bah, mais le truc, c'est qu'il nous a dit qu'il n'est pas nostalgique. De ouais, c'est ça. Donc lui, top 50, c'est vrai. Et pas du tout. Hein. On lui a parlé du top 50, c'est limite si on le faisait pas un peu chier. Quoi. Enfin, il a bien aimé cette époque-là, mais il n'est pas nostalgique. Ouais. Mmh. Heureusement que tu bois pas d'alcool, toi. C'est vrai. Pourquoi tu vois quelqu'un qui boit de l'alcool? Je suis enduré que de ça. Bon, en tout cas, vous êtes toujours dans l'émission 80 l'heure sur RQC 95 FM, hein, comme tous les mardis soirs de 20h à 22h30. Voire 23 parfois. Parfois 23, oui, quand on est avec les Miss, par exemple, ouais, bah, entre autres. Que... ou alors quand Sherlock il nous parle de sortie Cinoche. Hein, ah oui, c'est vrai. Mais ce sera dans quelques minutes, évidemment, c'est pas tout de suite. Oui, bah oui, parce que d'abord il y aura la chronique de Canon. Ah, quand bien même. Sûr, oui. Mais évidemment, mais oui, mais enfin, oui. Enfin, le fameux cadeau. Alors, on va demander à Séverine et Naomi qui sont avec nous. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de l'événement qui aura lieu donc ce dimanche. Attention, donc, c'est trop noir. Le défilé donc de By Séverine, donc qui aura lieu donc ce dimanche à partir donc de 14h30, c'est ça, hein? Oui, 14h30 avec l'animation Nord-Sud. Nord-Sud, ensuite, 15h30, ah oui, avec Pascal et toute sa bande, bah oui, évidemment. Et puis il y aura aussi Vampirella qui sera là. Hein, hein, Séverine? C'est qui Vampirella? C'est qui Vampirella? Tu connais pas Vampirella? T'en es fan en fait. Ah, j'adore, j'adorais. Alors, je vous le dis quand même pour l'anecdote, parce que pour les gens qui se demandent mais de quoi ils parlent là, j'ai eu l'occasion de fouler la scène avec Séverine et elle jouait le rôle de Vampirella dans. Waouh! Wow. Et c'était assez sexe quand même, hein, faut être honnête. Non mais. On va tout savoir. C'était soft. Oh, je jouais juste un rôle. Ouais, allez, on va dire que c'était soft. Sur scène, c'était soft. Dans les coulisses, bon. Hein. Donc voilà. Moi, ce que je te propose, Séverine, ce que je vous propose, Séverine, Naomi, c'est on va rejoindre Canon qui. Alors, il pleure depuis tout à l'heure pour dire je vais faire ma chronique. Et bien, vas-y, mon ami, maintenant. Attends, je vais rester poli. Alors, d'une part, je t'emmerde parce que t'arrêtes pas de dire que je suis jamais là, que je fais jamais de chronique, etc. J'en ai fait pendant 5 ans. Oui, donc c'est vrai. Vous allez bien? Toi, tu me cherches aujourd'hui. Tu vas me trouver. Séverine aussi. Rien dit, je vais m'occuper d'elle avec. Je sais pas pourquoi. C'est vrai. Donc, rappelle-moi ma chronique, Thierry, toi qui t'en souviens. Bah, absolument. Donc, tu vas nous parler. Donc, tu vas nous faire une traduction d'une chanson anglophone. Et une chanson chantée en plus. Et une chanson chantée, bien évidemment. Donc, avec des textes savoureux, comme oui, tu dis. Oui, bravo. Il est très mimétique, mais c'est pour ça que je voilà. C'est un chanson chômage. Qui te marque, parce que, évidemment, c'est pas Dindada ou ouais. Ce genre de chanson. Quoi. Ou le Zaï-Zaï. Le Zaï-Zaï de Pierre Perret. Ou le Zaï-Zaï de Pierre Perret. C'est une chanson qui est à nous de retrouver, évidemment. Donc le titre anglais. Bah ou le retrouver ou du moins comme tu disais savoureux, c'est-à-dire il y a des chansons anglaises qui ont été écrites et qui sont complètement déconnantes. Et il y a des textes parfois qui sont très très bien traduits en français parce que la chanson a bien été écrite, pardon. Et donc essayez de retrouver celle-là. Je pense qu'il y a un indice à un moment dans le titre de la chanson qui va vous rappeler. Je vous expliquerai après l'événement et pourquoi elle a été créée. Mmh. Donc les filles surtout, écoutez. J'adore quand tu me regardes comme ça, Séverine. Mais Naomi, je préfère. Donc, écoute-moi, Séverine. Je ne peux pas croire les informations aujourd'hui. Je ne peux même pas fermer les yeux et faire disparaître tous. Pardon. On a dit pas d'orgasme avant le couplet. Merci. Je ne peux même pas fermer les yeux et faire disparaître tout ça. Combien de temps devons-nous chanter cette chanson? Combien de temps? Ce soir, nous pouvons être unis. Des bouteilles brisées sous des pieds d'enfants. Des corps qui jonchent une rue sans issue. Mais je n'écouterai pas le cri de la guerre. Il me met au dos du mur. Au dos du mur. Dimanche. Sanglant dimanche. Ah, bah oui, oui. Et la bataille, écoutez bien les textes. Hein, parce qu'après, vous m'expliquerez pourquoi ils ont écrit cette chanson. Oui. D'accord. Et la bataille vient de commencer. Beaucoup sont perdus. Mais dites-moi, qui a gagné? Des tranchées sont creusées dans nos cœurs. Et des mères, des frères et des sœurs désirées. Sanglant dimanche. Combien de temps devrons-nous chanter cette chanson? Combien de temps? Ce soir, nous pouvons être unis. Ce soir, dans ce sanglant dimanche. J'adore ma voix. Sèche tes larmes, essuie tes yeux injectés de sang. Dimanche sanglant. Et c'est vrai que nous sommes immunisés contre les faits sont de la fiction et la télé sont de la réalité. Et aujourd'hui, des millions de gens pleurent. Nous mangeons et nous buvons. Tandis que demain, ils mourront. La vraie bataille vient de commencer. Pour clamer la victoire remportée par Jésus. Un dimanche sanglant, sanglant dimanche, dimanche, sanglant dimanche. Est-ce que ça vous, évidemment. Le titre? Bah, Séverine, ça te parle, j'imagine. Je pense. Ah bah vas-y. Exprime-toi, à moins que Naomi veuille le faire avant, parce qu'elle me dit oui. Oui. Ça aurait pas pour une fois qu'une femme me dit oui. Ah bah oui, Naomi. YouTube. Ah bah oui. Non, c'est pas le titre. Non mais ça, Sunday Bloody Sunday. Absolument. Alors, t'imagines en français quand même, en français ce que ça donnerait? Et ce serait marrant que tu le chantes en français. Je trouverais ça trop marrant, quoi. Je peux pas croire les informations d'aujourd'hui. Je peux même pas fermer les yeux et faire disparaître tout ça. Combien de temps? Bah, tu me demandes de chanter. Mais non, mais c'est bien. Mais c'est parce qu'il a dit, ça me ferait marrer. Donc, il veut ça se marrer. Marrer. Ouais. Le refrain, fais-le. Le refrain, c'est terrible. En français, ça ferait quoi? Dimanche sanglant dimanche. Sanglant, c'est très très dur à dire en fait. Bah oui, dimanche sanglant dimanche. Sanglant dimanche. C'est terrible. Mais c'est vrai, c'est pour ça que c'est intraductible. Dimanche sanglant, tu peux peut-être triste, dire hein. Putain de dimanche non, sanglant. Mais tu sais que en fait, tu fais même de la dyslexie, mais quand tu essayes de traduire, même lui, il est complètement défoncé. Essaye de chanter des textes en français. Tu sais pourquoi? Parce que je suis anglophone. Je traduis pas dans ma tête, j'arrive à parler anglais quand même assez couramment. Le problème, c'est Sunday, Bloody Sunday. Ah, mais non, mais c'est, quand je chante, c'est vrai que c'est dimanche. Tu fais les Anglais en fait inversent leurs phrases, et c'est vrai que là, c'est intraductible. Ah mais non, mais bien sûr. Parce que dimanche, que sanglant dimanche, techniquement, vocalement, c'est une horreur. Parce que il y a quand même certains chanteurs qui se seraient pas gênés pour le faire en français. Et on a eu des versions. Ah oui, non, ne nous mets pas. On l'a vu, il y en a qui se sont pas gênés. Bah bien sûr. Voilà, des primes, par des exemple, primes de Sylvie Vartan. Est-ce que par contre, ma petite c'est Campbell, c'est qui a adapté la plupart des titres. Hein, faut pas se leurrer. Ringo aussi, hein. Oui, oui, c'est vrai. Avec ce grand, corbeau noir. Elle a peur. Il y a ma petite Campbell qui a peur de parler. Et on est tous un clan, Campbell. Et donc, est-ce que tu sais de où ça vient, par contre? Non. Non. Si je vous dis Bloody Mary, ça vous parle? Oui. Oui. Voilà. C'est un cocktail. Est-ce que vous savez comment elle a été inventée? Oui. Oui, mais toi, oui, c'est sûr. En fait, je vous explique rapidement. Il y a eu un massacre au Bogside. C'est un dimanche sanglant. C'est une tuerie qui est survenue en fait le dimanche 30 janvier 1972 dans le Bogside à Berry en Irlande. En fait, il y a eu 27 manifestants qui se sont révoltés contre les soldats, et les soldats en fait ont sorti leurs armes et ça n'a pas rigolé, ça n'a pas commencé à fracasser, c'est qu'ils ont tiré. Et ils ont flingué. Ils ont flingué les mecs comme ça. Ils les ont, mais c'est une horreur. Ah oui, bien sûr, c'est venu de là. Ils étaient que 27. Ils étaient que 27 manifestants, avec peut-être 300 derrière qui se relayaient. Mais les 27 se sont mis en fait en barrage à des soldats qui n'ont pas commencé à dire les gaz lacrymogènes, je t'en mets trois dans la gueule, et à la fin, si vous tirez, on va tirer. Ils ont flingué, ils ont commencé à flinguer. Là-dessus, il y a une petite Mary, qui passait, et en fait, donc c'est les soldats impliqués étaient du 1er bataillon du régiment parachutiste du Royaume-Uni. Elle est passée en plein milieu, cette petite fille et tout ça, elle s'est fait flinguer, elle s'est pris une balle en pleine tête. Et en fait, ça a tellement été terrible, ça a tellement été dur, que les Irlandais ont créé un cocktail à base de vodka, à base de, j'adore ce cocktail, jus de jus de tomate, et de temps du tabasco très amer avec du sel de céleri, horrible, quelque chose de très horrible, terrible, etc. Et ça s'appelle avec le Bloody, Mary qui saigne. Mary qui saigne. Et en fait, Bloody Sunday, en fait, est venu Bloody Mary, Bloody Sunday, de ce dimanche sanglant où les mecs étaient en train de manifester. Ça a dégénéré avec deux, trois jets de pierre. Je crois que c'était le Sunday du McDo. Les mecs, voilà. D'ailleurs, même Bloody Sunday qu'on pourrait dire traduire par putain de dimanche sanglant. Voilà, parce qu'au départ, ça avait été donné par Marie Tudor, qui était en fait une surnommée Bloody Mary, Marie la sanglante, qui était une. Ah oui, une, je connais. Voilà. Mais en fait, ça vient, c'était la fille du roi Henri VIII. D'Angleterre, bref. Mais en fait, ça vient vraiment de ce cocktail qui a été fait et blessé dans le dos lors des affrontements du Sunday Bloody. Et ça s'appelle. Ça, il faut préciser, c'est en Irlande du Nord. Hein, c'est en Irlande du Nord pendant l'IRA. Pendant Tudor, je l'ai très bien connu. Pardon ? Et je l'ai très bien connu, Marie Tudor, parce que c'était en Angleterre, elle est super connue en fait. Et j'ai travaillé dans un hôtel, mais c'est pas une blague en fait. Travaillé dans un hôtel à Colchester. Non, sérieux. Dans la chambre 69. Et il y avait le. Alors dans l'hôtel, il y avait toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure, il y avait le fantôme de Marie Tudor qui passait dans l'hôtel. Et en fait, c'était un montage, enfin, il y avait une sorte de projection, et on voyait donc le fantôme qui passait dans l'hôtel. Alors, moi, j'ai la vraie version. Il y a plein d'Anglais qui m'ont dit, il y a un mec qui s'appelait Stéphane Harry, et c'est tout le monde. Et t'es obligé de lui faire, Harry, tu dors, ton moulin. Et alors, le pire, c'est que beaucoup d'Anglais ont... Et le fantôme, c'était Harry qui était tout blanc. Les Anglais ont précisé, on le voyait passer avec une canette à la main. Voilà. Ouais. Et il y a une blague là derrière quoi. Je te voyais, j'étais content, je me dis. Eh bien, vous êtes bien sur Contact FM. Allez, j'en ai une deuxième. Bien sur Rire et Chanson. Vas-y. J'en ai une deuxième très rapide traduction. Vous avez toutes et tous dansé sur cette chanson. C'est un des tubes les plus planétaires qui existe. Ouais, la danse des canards. Ah non, mais traduction en français. Mais j'adore ce texte. Crier, crier, laisser tout tomber. Ce sont les choses sans lesquelles on peut faire avancer. Je vous parle, avancer. En temps violent, ne vendez pas votre âme. En noir et blanc, ils doivent vraiment savoir cet état d'esprit. Ils vous prennent pour des travailleurs, embrassez-les. Au revoir, ne sautez pas de joie. Mais criez, ils ont votre vie. Et en retour, vous avez l'enfer. Aussi froid que la glace, j'espère que nous vivons pour la raconter. Mais criez, et quand vous baisserez votre garde, si je peux changer d'avis, j'aimerais vraiment violer votre cœur. Criez. Criez. Shout. Ah oui, Tears for Fears. Et c'était des chansons formidablement. Tu l'as déjà fait celle-là. Je crois que oui, parce que j'ai repris. Voilà, ça revendique vraiment. Là, c'était vraiment pour les travailleurs. Donc, c'est de Tears for Fears, voilà, qui est un groupe britannique associé à la New Wave. Vous connaissez tous. Voilà. Non, mais j'ai pas envie de parler du groupe. Voilà, on va la faire rapide et tout ça. Et c'est de Tears for Fears et c'est de Shout que tout le monde connaît ou plus ou moins si on est notre public. Voilà, vous connaissiez Naomi, tu connaissais Shout. Tu es de 1978. Non, tu les fais pas. Non, je plaisante. Et, c'est vrai? Ah, tant mieux. On rappelle quand même que nous sommes avec Séverine et Naomi pour le défilé qui aura lieu donc à partir de 14h30 à la salle Roger Salengros, donc à Waterloo. Ce dimanche, c'est un événement à ne pas rater. Alors, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais on va le dire maintenant parce qu'il nous reste une demi-heure. Vous avez la possibilité donc de remporter 2 places gratuites. Allez, soyons fous. 2 places gratuites pour assister donc au défilé. Il suffit tout simplement, le premier qui nous balance un petit message sur Facebook en nous écrivant Séverine, tiens, allez. 2 places gratuites, 140 € offerts. 2 places gratuites. Vous nous envoyez donc le mot Séverine, tiens, allez, c'est le mot de passe, Séverine. Allez, le premier. Le premier qui nous envoie Séverine. Le premier ou la première, donc forcément. 2 places. Tu peux pas, Arnaud, tu pourras pas. Mais tu peux pas participer, c'est pas possible. Donc le premier qui nous envoie sur la page 80 l'heure, donc sur Facebook, qui nous envoie donc le mot Séverine, remporte donc 2 places pour assister donc au défilé qui aura lieu donc ce dimanche à partir de 14h30 donc à la salle Roger Salengros. Voilà. Une chose importante qu'elle me disait en antenne aussi, c'est vrai que quand tu vois les défilés, le prix, parce que tout le monde se dit voilà les prix des défilés qui peuvent être imposés, là c'est vraiment quelque chose de très démocratique, hein, 5 € à peine. Et vous assistez à un défilé formidable. Il y a une présentation en plein, Séverine. Est-ce que tu as les. C'est très important ce que je déconne pas là. Tous tes vestes et tout ça, il y a une vente après publique, c'est surportant, non? Non, il n'y a pas de vente après puisque c'est trop compliqué pour nos logistiques. Et les vêtements qui ont été portés, j'entends bien avec Naomi les remettre en place, voir d'accord. Si tout y a est des numéros nickel. Il n'y aura pas de numéro non plus parce je suis un que. Chiant, non, pas du tout, des mais numéros, on y a tu pensé. Devrais, c'est un conseil. Non, on y a pensé. Des numéros de tenue. Oui. Pour que les gens puissent se contacter. Oui. C'est pas idiot. J'étais responsable communication. Je sais, l'année passée, on ne l'a pas fait. Cette année, je m'étais dit, j'allais le faire. Mais il y a plus de 160 tenues. Je ne pense pas que j'aurai le temps de gérer tout ça, puisqu'il faut faire des fiches. Et moi, comme j'aime bien que tout soit carré. Oui, mais il faut distribuer ça à toutes les personnes qui viendront voir le défilé. S'il y a 300, 400 personnes, il faut gérer. Je m'explique, Séverine. Je me permets. Oui, mais attends, je te coupe 2 minutes. Non, jamais. Jamais. Ma première circoncision m'a fait très très mal. Donc on ne me coupe pas l'antenne. Jamais. Non, mais c'est parce qu'après je vais oublier. Mais sinon, j'ai une petite tête. On a tous un téléphone portable. Et l'année passée, c'est ce qu'on avait proposé, de prendre les photos des tenues. Les clientes qui sont venues ensuite en boutique. C'est en RV avec un flash code. J'ai géré quand elle me disait j'ai aimé telle ou telle tenue. On a le droit de prendre des photos. Non, c'est vraiment compliqué. Si je le fais, j'ai pas envie de claquer juste des numéros sur une feuille. Et voilà, je veux faire les choses bien. À la limite, il faudrait mettre les prénoms de chaque personne qui défile, etc., etc. Voilà. Et curieusement, il y a plus de photos en sous-vêtements que. Pas du tout. Oui, c'est clair. C'est clair. je te remercie. Je t'ai coupé, tu peux. Non, va se faire foutre. pardon, t'es une invitée. Non, mais je t'en prie, tu me coupes quand tu veux. Juste un petit clin d'œil aussi à un autre partenaire, le Salon Jacques. Pas le Salon Jacques, pardon. Sébastien Lovarier qui a son salon de coiffure dans le centre commercial de la Galerie Marchande Leclerc. Qu'est-ce que j'ai raconté, c'est ça, Galerie Marchande Leclerc. Donc il coiffe toutes les personnes qui défilent, tous les mannequins, voilà. Il assiste, il sera en coulisses. Et Alison, la dauphine de Miss Rondissima, qui elle, s'est installée en tant qu'esthéticienne. Alors j'ai plus le nom de. Son entreprise, son institut. Non, mais elle le fait à domicile et elle va gérer tous les maquillages. Bien. Donc, je suis quand même assez bien entourée. Voilà. Ça va être chouette. Okay. Bon, Black est dit. Eh ben, on va faire une petite coupure musicale parce qu'après, derrière, tu vas peut-être donner envie à Naomi et à Séverine d'aller au cinéma. Mais pas dimanche. Demain. Eh ben, écoute, on va s'écouter justement les deux chansons que Canon nous a présentées, c'est-à-dire U2 avec Sunday Bloody Sunday et Tears for Fears avec Shout. Oh, merci. Je suis content qu'on arrête de se disputer. Je t'aime bien quand t'es comme ça. Et on rappelle que j'aime les hommes avec un bouquin. Et on rappelle, Canon, que vous pouvez donc remporter deux places pour assister donc, au défilé ce dimanche à la salle Roger Salengro. Il suffit tout simplement de nous envoyer le mot de passe Séverine, c'est pas compliqué hein, quand même, sur la page Facebook. Vous tapez Séverine, le premier qui nous envoie donc le message remportera donc deux places pour assister donc au défilé qui aura lieu donc à la salle Roger Salengro à Waterloo. Et si on y arrive pas, on mettra une photo de Séverine il y a une dizaine d'années lors de certaines soirées. Pourquoi vous allez voir. Pourquoi il y a une dizaine d'années? Pardon? Pourquoi il y a une dizaine d'années? Bah, parce qu'elles étaient terribles. Bon, il y a du dossier derrière. Hein. Ah oui, allez, moi j'ai des photos de Vampirella là, si tu veux. Ah, moi j'ai des photos avec Macron. Je suis dessus, mais il faut pas les mettre. Bon, on se retrouve tout de suite après cette coupure musicale. Le temps pour nous de se fighter un petit peu dans le studio. Allez, c'est parti. Ouais, faites pour nous. are not to be free to go where I need to go. No time to lose with futility is on the road to liberty. Do all that I can do and all that I should do to finally become all I am. Et oui, alors là c'est l'un des derniers titres donc de Sarah Le Thor, No Limit. Donc Sarah Le Thor, je vous rappelle, vous pouvez retrouver donc à la fête de la musique. Oui, fête de la musique, comme le verbe faire. Donc c'est à l'Institut, alors Montfort, c'est ça, ouais. L'Institut Montfort à partir de 21h. Donc elle sera en concert donc à l'Institut Montfort, donc à Herzo, visiblement. Oui, mais il y a des activités toute la journée. Hein. C'est ça. Donc, toute la journée, il y aura plusieurs groupes qui vont succéder, effectivement. Il y a des balades à moto, enfin il y a beaucoup de choses. Ah, d'accord. Okay. Ah oui, si, c'est vraiment une belle journée festive. Donc nous, nous, on y sera. Évidemment, on y sera avec Marjorie, tiens, du coup, c'est vrai qu'il est venu nous faire un petit coucou, Marjorie Demulier, ouais, voilà. Qui était là avec nous tout à l'heure, et on sera forcément donc au concert donc de Sarah Le Thor, et puis on profitera de l'occasion pour faire une petite interview, quoi, ce serait bien. Alors Sherlock sera pas là. Bah non. Parce qu'il paraît que c'est ton anniversaire, mon ami. Ouais, le lendemain, en fait. Ah. Donc, ben, quel âge il a pas, crétin? 40, tout pile. Ah, attention, ça se fête, ça. Ah ouais. Ça se fête. La semaine prochaine. T'as 40 balais, toi? Ouais. Et tu les fais. Merci. Merci, j'espère. Non, on aimerait bien voir 40 balais. Ah, moi, j'aimerais bien, ouais. Les deux vieux du bébé. C'est ça, ouais. Ouais. Il y aurait moins de poussière si j'avais 40 balais. Bon, alors je vous rappelle que ce soir nous sommes donc avec Séverine et Naomi pour parler de l'événement qui aura lieu donc ce dimanche dimanche après-midi ouais. Donc à la salle Roger Salengro, donc c'est le défilé de mode organisé donc par l'enseigne By Séverine de Waterloo. Donc vous allez avoir donc toute la collection, toute nouvelle collection de l'année 2017. Collection printemps-été, bien sûr. Printemps-été, évidemment. Donc ce sera à la salle Roger Salengro. Si on veut réserver, tiens, dis donc, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs points de vente. Il y a, Le Pierrot à Waterloo. Oui. Donc en face du magasin Match. Il y a le Café des Sports au Crétin. Palais des Sports. Le Palais des Sports. Oui. Ouais, c'est vrai, je me trompe. Tu peux sourire, Jean-Pierre, c'est une photo. Céline. Le Palais des Merci, Sports avec Céline et Jean-Pierre. la friterie, l'espace frites du Moulin, bien sûr. Bien sûr. Et By Séverine. Et chez By Séverine, évidemment. Voilà. C'est évidemment. Alors, on peut retrouver quelques-unes de tes collections sur des pages Facebook. Vous tapez By Séverine. Tout simplement. Là, BYSEVERYN. Absolument. Eh oui, attention, j'arrive pas. Alors, Séverine, dis-moi, est-ce que tu vas de temps en temps au cinéma? Rarement, mais j'y vais. Bah là, t'iras plus. Quand j'ai un film qui m'attire, je vais dire. Je vais au cinéma. Oh, toi, t'étais voir 51 degrés. Ouais. Je le sens. Je sais pas pourquoi, mais. Je suis à l'aise. Je suis allée voir 51 degrés, le premier, mais pas le deuxième. Non, parce qu'ils lui font au moins 3000. Pas du tout. Alors, peut-être que Sherlock va te donner envie. Peut-être que Sherlock. Alors, ça y est, les filles, elles sont pas. C'est toi qui as lancé le sujet. Non, mais ce serait bien que tu prennes le micro. Ce serait bien aussi. Ah ouais, mais 51 degrés, obligatoirement, les nanas, blablabla. Non, mais attends, le truc d'adolescent de 16 ans, etc., on vous attache un jour, on vous met deux fessées, on vous prend par derrière, on n'en a rien à foutre, franchement, c'est pas un truc de gamine. Non, mais justement. Et puis si vous assumiez un peu plus, on serait moins. Non, mais vos trucs de gamine d'adolescente, est-ce qu'on pourrait passer une émission sérieuse qui reprend en fait. C'est toi qui dis ça, lol. Ouais. Lol, ça veut dire quoi, lol? PTDR. T'as dit lol? Ça veut dire quoi, lol? Ça veut dire quoi, lol? Lol, c'est pour rigoler. Lot of love. Laughing out loud. C'est non, laughing out loud. Laughing out loud. Oui. T'es en train de me reprendre, toi ta gueule. C'est ça, ouais. Ouais, mais il adore ça. Elle est Mao. Vas-y, Sherlock. Okay, bon, tout va bien. Allez, c'est parti. Allez, je vais te taper ta chronique, toi. T'es mort. Ah bon, parce que tu n'as pas l'habitude. Ah, non, je suis assez sympathique. Je l'aide beaucoup, moi. D'accord. Alors, montons dans la DeLorean. Non. Je vais faire une photo de toi pendant que tu parles. Tu vas voir, ça va beaucoup être moins. Qu'est-ce qui se passe, Choui? Vite, montons dans le Faucon Millenium. Et partons pour présenter la chronique ciné. Ah bah oui, attends, t'as pas l'impression de te sentir seul là, tout d'un coup. Choui. Ah, si, un petit peu. Bah oui, Choui, Chewbacca. Choui. Je vais te pourrir ta chronique. Donc, je vais vous parler des sorties ciné pour demain en Belgique et en France. Et je vais commencer avec la Belgique, avec Alien Covenant, dont j'avais parlé déjà la semaine dernière, pour la France. Donc c'est avec Michael Fassbender, Noomi Rapace et Danny McBride. C'est un film de Ridley Scott. C'est sorti donc la semaine dernière en Belgique, en France, pardon. Et donc c'est les membres d'équipage du vaisseau Covenant qui sont à destination d'une planète située au fin fond de notre galaxie qui découvrent ce qu'ils pensent être un galaxie. Vas-y, répète. Répète, tu penses être un paradis, pardon, encore inexploré. Bah oui, je me flatte moi-même. Ça veut dire, le Saturne. Ils ont un fort de galaxie. C'est ça, ouais. Ok. Et donc, il s'agit en fait d'un monde sombre et dangereux cachant une menace terrible. Ils vont tout tenter pour s'en échapper. Alors, c'est quoi? C'est un préquel? C'est. alors oui, c'est un préquel à la première trilogie vu que ça se passe après. Alors je ne sais plus le Pascal. Ah mais c'est la suite de Prometheus. C'est ça, la suite de Prometheus. D'accord. Qui lui est un préquel à la première trilogie. Donc c'est un préquel tout en étant une suite. J'aimerais bien vous expliquer aux auditeurs ce que c'est un préquel que je connais très bien. Sherlock. Il y a les téquels, les préquels. Donc un préquel c'est un film qui se passe avant un film qui est déjà sorti. Avant le séquel. Alors, voilà. Et, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est vrai. Et t'as oublié le catalogue quel aussi. Hein. Oui. Oui. Ok, donc je vois qu'ils sont à deux pour me niquer ma chronique. D'accord. Donc. Mais moi, je vais vraiment te la niquer. Alors, Séverine, si tu as un film à aller voir cette semaine. Défiler. Non. C'est. Alors, vas-y, donc, en Belgique, parce qu'en France, ça va sortir. Le 13 juillet, donc ils vont mettre le temps avant de le sortir, c'est Kidnap, avec Halle Berry, Lou Temple et Christopher Berry, rien à voir, l'une est noire, l'autre est blanc, ils sont pas frères et sœurs. Contre les noirs. Non, mais c'est parce que je me suis... Est-ce que tu vises notre invité quelque part sur la couleur raciale? Là, c'est du racisme. C'est pas parce qu'elle a dit qu'elle aimait 3000 nuances de black que faut confondre. Non, c'est parce que je me suis posé la question même, je me suis dit Christopher Berry, Halle Berry, est-ce qu'ils sont de la même famille? Pas du tout. Non. Voilà. Okay. C'est un film de Luis Pietro et donc ça se passe aux États-Unis. Un enfant disparaît toutes les 40 secondes. Oh, mais ça n'arrive pas qu'aux autres, jusqu'à ce que ça vous arrive. Kate McCoy, alors ça c'est pour la Belgique. Apparemment en France elle va s'appeler Carla Dyson. Ah d'accord. Ouais, ils vont peut-être changer le nom en France, je sais pas. Donc Kate McCoy n'est pas prête à laisser le sort de son fils entre les mains des autorités. Lorsqu'elle voit le kidnappeur s'échapper du parc d'attractions où elle se trouve, elle se lance dans une course-poursuite effrénée au péril de sa vie. Rien ni personne ne pourra l'empêcher de sauver son fils. C'est déjà rien que la bande-annonce, elle est haletante. Il y a quasi aucun temps mort dans la bande-annonce et franchement, j'ai eu franchement vraiment envie d'aller le voir. Est-ce que toi qui fais bien Casimir, tu peux me faire le Sherlock haletant? Non, j'ai pas dit Princesse Léa qui se tape Chewbacca. Pardon. Arrête. Pourquoi est-ce que tu invites Séverine à aller voir ce film plutôt qu'un autre? Parce qu'il est haletant. Mais parce que je pense que dans t'as envie d'aller au cinéma avec Séverine en fait. Bah oui, en plus c'est en Belgique. Bah toi. Et toi avec Séverine t'as le temps, mais elle moins. Bon d'accord. Donc de cette là, je vais passer aux sorties en France avec le film Les Fantômes d'Ismaël. C'est un film de Arnaud Desplechin. C'est avec Mathieu Amalric, Charlotte Gainsbourg et Marion Cotillard. Ça sort également en Belgique demain. Donc c'est Ismaël Vuillard qui fabrique des films, celui qu'il invente en ce moment, et le portrait d'Ivan, un diplomate atypique inspiré de son frère. Avec Bloom, son maître et beau-père, Ismaël pleure encore la mort de Carlotta, disparue il y a 20 ans. Donc Carlotta qui est jouée par Marion Cotillard. Aux côtés de Sylvia, Ismaël s'est inventé une nouvelle vie lumineuse, donc Sylvia... Charlotte Gainsbourg. Est-ce que tu pourrais nous faire un résumé qu'on peut comprendre? C'est possible ou pas? Bon, okay. Non mais vas-y avec tes. Donc il y a le mec qui arrive, qui voit Charlotte et qui saute dessus et qui dit non, je pense à Carlotta. Mathieu Amalric joue le rôle d'Ismaël, qui était marié avec Carlotta, Marion Cotillard. Ouais. Ben elle a disparu. On ne sait pas, ce qu'elle est devenue. Elle est a disparu. Ça fait 20 ans. Lui s'est remis en couple avec une femme qui n'est autre que Charlotte Gainsbourg. Il est très heureux. Qui se nomme Sylvia. Jusqu'au jour où Carlotta revient dans la vie d'Ismaël. Et bah voilà. En disant, le minoy. Alors on a compris. Le minoy. En disant toc toc badaboum, me voilà, c'est moi Carlotta. Mais si on pouvait faire toc toc badaboum avant qu'on parle, ça serait très bien. Ça fait quand même 20 ans que je suis parti, connard. Mais là, tu me donnes envie d'avoir le film. Et le titre, rappelle-nous. Alors ça s'appelle Les fantômes d'Ismaël et j'en parle justement parce que il va revenir dans la maison familiale qui se trouve à Roubaix. Ah. Et ouais. Ah ouais. Parti d'Aïch. Et c'était filmé à Roubaix, c'est pas. Ah non, c'était pas. Ah bah oui, mais Arnaud Desplechin. Ah bah oui, bah bien sûr. Arnaud Desplechin, bah oui, évidemment, il fait tous ses films. C'est lui qui avait fait Joyeux Noël, je crois, à Roubaix. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Il est fan de Roubaix, ouais. Oui, il ouais. Filme souvent à Roubaix, ouais. Et donc je vais finir avec un film. Enfin, c'est un film d'animation. C'est un manga, c'est un animé. Voilà. D'accord. C'est Sword Art Online. Ah oui. Ordinal Scale. Ça c'est bien. Ah, c'est le titre, ça. Ouais. Répète c'est un peu. Sword Art Online. Ordinal Scale. C'est pour les je voudrais une place pour non, c'est SOA. Ouais, SOA. Par contre, c'est pour les férus, ouais. De... Voilà. Ah ouais. Alors c'est bon, niche. Je vous donne un petit peu l'histoire de Sword Art Online parce que là c'est une suite en fait. Sword Art Online, c'est un jeu vidéo qui est sorti. Plein de gens se sont connectés à ce jeu vidéo et se sont retrouvés donc dans le jeu parce que c'était en réalité virtuelle. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas pu sortir de ce jeu. Il faut finir le jeu absolument. Si on meurt dans le jeu, on meurt dans la vie. Oh, quelle horreur! Voilà. C'est le pitch de ce qui se passe avant. Ouais. Là, on est en l'an 2026, donc 2 ans après avoir été libéré de SAO. Kazuto et ses amis survivants profitent enfin des jours paisibles. Récemment, la réalité augmentée est devenue possible grâce à l'Ogma. Donc là, c'est en fait, on est dans les rues avec des lunettes ou un casque. Ouais. On voit les gens comme ils sont, ou alors on les voit avec une armure, une arme et tous ces trucs-là. Et donc, ils vont se battre directement dans les rues. Et avec cette mode vient son lot de modifications du quotidien. Un nouveau jeu émerge qui s'appelle Ordinal Scale, qui devient rapidement si populaire que la réalité virtuelle s'en trouve délaissée. Donc Kazuto, de nature peu athlétique, ne semble pas motivé pour la réalité augmentée. Il faut savoir que lui, c'était le héros du premier film. Mmh. Voilà. Mais c'est lorsque d'anciens boss de SAO font leur apparition et d'autres fantômes du passé qui menacent de ressurgir qui décident de rentrer dans le jeu également. Et en résumé, donc il y a combien, de Zuto? Kazuto. Kazuto. Ouais, d'accord. Faut pas le faire écraser. Non, mais c'est pas compliqué. Kazuto, c'est pas compliqué, j'ai rien compris. Arrête, tu commences à péter ma chronique. Bah, attends. Ce que je vous propose. Mais moi, j'ai compris. Kazuto, qu'on appelait Kirito dans le jeu. Sherlock, c'est ce que je te propose. Kirito, parce que ça gratte. Et je crois que là, j'ai un bon coup. On va demander à Séverine de faire un résumé du film. T'as un bon coup, tu parles de notre invité. Il est terrible. Tu es très attentive. Alors, est-ce que tu peux nous faire un résumé justement donc du film? Est-ce que tu es un bon coup? Alors déjà, rappelle-nous le titre. SAO. Oui, bien. Qui veut dire SAO? Sword Art Online. Alors, je ne sais absolument pas. Alors, l'histoire? C'est un peu... En fait, je pense que chacun le comprend comme il le veut, donc... T'es toujours vraiment consensuel. Mais c'est pas compliqué. Il y a eu un jeu qui s'appelait Sword Art Online. C'était de la réalité virtuelle. Oui. Les gens, quand ils se connectaient à ce jeu, ils pouvaient plus sortir du jeu. Ça, c'est là. Parce que oui, s'ils meurent dans le jeu... S'ils meurent dans le jeu, ils meurent dans la vie réelle. Voilà. Il y a plusieurs personnes qui ont réussi à finir le jeu, dont Kazuto, qu'on appelle dans le jeu Kirito. D'ailleurs, c'est normal puisqu'il s'appelle Kazuto, donc on l'appelle Kirito. Mais non, mais c'est un pseudo. C'est un pseudo. Ils ont fait 50 nuances degrés, en vérité. Comme Canon, il s'appelle pas vraiment Canon, c'est un pseudo, tu vois. Non, il s'appelle You Raise Me Up. You Raise Me Up. Et il est resté dans le virtuel. Et donc, le truc, c'est que donc Sword Art Online, le jeu s'est terminé. Et là, il y a un nouveau jeu qui est sorti qui s'appelle Ordinal Scale, qui est en réalité augmentée. Donc, c'est de la réalité virtuelle aussi. Augmentée. Sauf que là, c'est augmenté. Par exemple, tu vas avoir une table vide et sur cette table vide, ils peuvent te montrer un coffre rempli d'or. Donc, elle avec les lunettes spéciales. Si, si tu retires les lunettes, tu vois pas ce coffre. Si tu mets les lunettes, c'est de la réalité augmentée. Tu vois une femme te regarde et te dit je t'aime, c'est de la réalité. Elle te dit je te désire, c'est de la réalité augmentée. Tu vois, c'est le petit détail qu'on met sur la table. Con, tu vois, maintenant, c'est plus concret. On l'a bien alors, compris. Voilà, tu vois, c'est de la VR. Voilà. Donc, le truc, c'est que Kazuto ne veut pas jouer à ce jeu. Le problème, c'est que d'anciens boss, donc de l'ancien jeu Sword Art Online vont apparaître et de cette là lui il va rentrer dans le jeu quand même pour y participer. Et maintenant est-ce que tu pourrais alors peut-être que toi ça ne te parle pas mais alors à tous c'est les niche. À tous les je vais dire les ados de maintenant tu leur parles de ça ils connaissent comme tu vas leur parler de One Punch Man, c'est un manga également, ouais. Ils vont connaître obligatoirement, c'est les trucs... Fast and Furious. Oui. C'était un jeu vidéo basé sur... voilà, c'est les, un jeu vidéo les aussi bien sûr que si, à la base c'est un jeu vidéo, à la base c'est un jeu vidéo bien sûr. Ils étaient tellement mal... Si, à la base... C'est un peu tiré du jeu vidéo Need for Speed. Ouais, Need for Speed, ouais, c'est ça. Oui, oui, pardon, j'ai pas dit le nom du... Ouais, excuse-moi, okay. Oui, Need for Speed. Ouais. Mais ça vient de là. C'est complètement... Il y a plein de films comme ça, quoi. Mais c'est une niche, Mais ça peut être bien. C'est une niche, qu'est-ce que tu veux dire, c'est une niche. C'était le dernier. Bah, c'est ouais. Vraiment un truc très particulier. Mais j'ai voulu en parler parce que je suis sûr qu'il y a des jeunes qui vont... De chiens. Il faut, il faut être niche. Éclectique. Ouais, j'avais compris. Allez, on va faire un tour de table. On va demander à Séverine quel film elle irait voir. Il y a Mimi qui va parler. Évidemment. Alors, S.A.O. Quel film j'aimerais voir. Ouais. Eh bien, c'était quoi le titre du premier? Non, du deuxième. Ah, Kidnap avec Halle Berry. Voilà, mais à mon avis, ça doit être quand même assez hard. Ah bah oui, et d'ailleurs tu vas y aller avec Sherlock, puisque Sherlock avait envie de t'inviter donc au Forever, dans les sièges du haut, tu vois, où il n'y a pas de séparation entre les deux. Ouais, oui, ça va, je connais. Naomi, tu irais voir quoi? Pareil, non, Kidnap aussi. Ah, par alors contre, par contre, c'est que deux places, bon, faudra se mettre sur mes genoux, mais il n'y a pas de problème. Bah, il y a Madame Sherlock qui va être contente. C'est vrai. Mais elle n'écoute pas, je crois. Non, mais t'inquiète. Ça devrait être. Je lui ai envoyé le podcast. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, je vais le couper à ce moment-là. Ouais, ouais. Contre, juste le truc où tu dis assis-toi sur moi, ça me dérange pas. Canon, tu irais voir quoi? Moi, je vais avoir Shallow en train de se prendre avant par Naomi pendant que je ramène les popcorn. Non, j'irai voir. Oh, j'hésite pas. Ouais, le dernier, mais c'est une niche, c'est mon. SAO. Tu fais le 4 ah, très franchement et honnêtement, rien du tout là. Bah, comme d'hab quoi. Toi, tu vois pas aussi Noche. Bah, très peu, oui. Bah, en fait, Flipkat, tant que je lui parle pas d'OVNI, voilà. Il va pas aussi Noche. Ah, ouais, bah ouais. C'est ça, mais. Tout ce qui est fantastique, ouais. C'est Gremlin, c'est tout ça, j'imagine, ouais. Non. Bah, il y a Alien Covenant, hein. Oui, oui tout à fait. Bah, oui, ouais. Bah alors. Donc là, tu pourrais aller le voir. Oui. D'OVNI ou Zomnu. Onissa, je ne t'ai pas oublié. Tu irais voir quoi? Rien du tout, parce que moi je vais au défilé. Oh! Merci. Ah, tu deviens aussi ouais, consensuel que nous invités. Tu sais que toi. Le défilé, c'est qu'une seule journée. T'as le temps d'aller au cinéma les autres jours. Je suis désolée, j'ai un métier. Donc si je vais au cinéma, c'est le dimanche. Mais dimanche, je suis au défilé. T'as un métier, toi? T'as pris au Minoy. Mais ça, c'est la nuit seulement. Ah oui, d'accord. Je crois que tu travailles aussi. Dis-moi quand est-ce que tu travailles que j'y aille pas. Parce que... De toute façon, tu dis toujours que tu viens et tu viens jamais. Alors tais-toi. Non, bah, c'est pas vrai, moi je fais les photos, je vous ai jamais vu. Toi t'es déjà venu par contre. Je sais. N'importe quoi. Eh bien tu fais bien de rappeler que effectivement donc, le 21 mai, le 21 mai, le défilé évidemment. Ah oui, moi j'y serai, donc voilà. Bah rappelle un peu les infos. Bah non, elle va le dire, hein, attends. Bah Séverine. Elle parle si bien, elle a une si belle voix. Et tout pour pas de quoi. Non. Non. Dimanche 21 mai, donc rendez-vous salle Roger Salengro, rue Émile Basly, pour à Ouattrelo, effectivement, à partir de 14h30, ouverture des portes 14h, pour le défilé, by Séverine, d'une heure et demie à peu près, présentation d'à peu près 150 tenues, avec mes partenaires La Boutique de Naomi, Alison qui a son salon d'esthétique et SJL, le coiffeur de la galerie marchande du centre commercial Leclerc, voilà, qui coiffera tous les mannequins. Voilà, mais c'est pas qu'un défilé, il y aura une animation et par Nord et Sud. Voilà. Nord-Sud, effectivement. Voilà, Nord-Sud, pardon, je dis Nord et Sud. Nord-Sud, c'est Nord-Sud. Oui, tu as raison, c'est avec Nord-Sud. Des variétés, Nord-Sud, etc. Et puis un tarif très, voilà, un tarif très, très démocratique de 5 euros à peine, puisque bah, il y a quand même un spectacle et c'est un bon moment passé. Il y a une petite restauration. Restauration. Non, non, mais s'il n'y a pas, il n'y a pas. Si, si, oui, il y a un bar. Il y a un bar, oui, d'accord. Avec café, soft, et un peu de bulles, n'est-ce pas? J'allais et venir. Un peu de bière. Ah, on va. Ah, ça va venir, donc, c'est un défilé ouvert aux hommes pendant que vos femmes regardent le défilé. Voilà. Non, non, non, non, il y a les bulles pour les femmes. Il y a des hommes qui défilent? Oui, tout à fait. Ah, je vais venir. N'importe quoi. Bon, bah écoutez, les gars, ça passe très vite, mais il va falloir que nous rendions l'antenne. Sherlock. Oui. Bon, ça, on j'adore musique, Sherlock. Évidemment. Oui, bien sûr, avec les bons skibit. Ouais. Et why. Oui. Bon, Flipkat, s'il te plaît. Pas de jeu de mots avec bons skibit. J'ai rien dit, je t'en regardais. Non, non, non, non, mais tu nous vois arriver tout de suite là. Son regard s'est allumé d'un coup. Non, on a une soirée mythique. On a une soirée multiculturelle, tu sors pas de conneries sur le beat qui bronze. Merde, j'ai dû. Mais vas-y, sors-le. Ça bah, fait plaisir. Bah non, il a fait. Non, on sent rien. Il a fait. Bah, il vient du boulot, il s'est pas lavé. Mais franchement, tous les deux, là, vous faites un duo, là. On pourrait même faire un couple. Pourquoi? Faites un. Bah, je sais pas, faites un. Enfin, quand tu nous vois, on n'a pas envie de faire d'enfant. Mais si, ça vous irait super bien, honnêtement, sur scène. Ouais. Les deux vieillards qui font des sketchs naturels. On verra quand on renoncera. Garde la tête à canon. Non. Je sais plus quoi répondre. Et encore une fois, le moupet chaud ne dure pas de froid. Bon, allez, ça prend, mais avec ça. Tu veux pas une première partie pour ton défilé, Séverine? Bah là, tout est orchestré déjà, donc ça va être difficile. C'est bien ouais. D'avoir les deux là qui viennent, genre ils se produisent à midi. Il y a personne. Et après, midi à midi 30. On fait un bid avant, comme ça après, t'as une soirée qui tourne. Et Fulcat, il est vexé là. Non, non, mais je t'imite en train de rire. Oh, refais-le. Bah c'est bon, mais il peut plus. Non, mais refais-le. Non, non, c'est bon. Attends, on va voir si t'es un bon imitateur. Tu veux que je fasse la carte de tout. Refais-le. Ah non, c'est fait, c'est bon. Oh là là. Ah, voilà. Non, oui, c'est. Bon. Quel con. Allez, musique. Ouais. Et ben, on se quitte avec ça. Donc, bon, ski beat avec Why. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Restez à l'antenne, évidemment, de RQC. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Ah oui. Ciao, ciao.